Novembre 2021. Bonjour et bienvenue à cet enregistrement de discussion en conscience avec Mona, que vous pouvez voir à l'écran présentement et qui vous salue. Et vous pouvez m'entendre. Donc ici, c'est David Lévesque qui vous parle. Et avant de débuter cette discussion, où je vais aborder plusieurs sujets, donc c'est sûr, notamment là, comme à l'habitude, je veux amener entre autres Mona à commenter l'actualité, ce qui se passe notamment en relation avec la crise sanitaire depuis plusieurs mois. Et avant de débuter à proprement dit, eh bien, je veux mentionner aux gens qui nous écoutent que Mona est professeure de pilates thérapeutique et moderne, même chose pour le yoga, et elle fait également là, de la consultation. D'ailleurs, à cet effet, là, vous allez pouvoir retrouver là, ses coordonnées, là, notamment là, par rapport à son adresse courriel en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui, donc pour les gens d'entre vous qui ont envie là, d'en savoir un petit peu plus. Sinon, pour les gens qui m'écoutent depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et s'il y en a parmi vous qui appréciez particulièrement mes enregistrements, bien c'est sûr, en soutien à mes activités, bien vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les moyens de paiement sécurisés que sont PayPal et également Interac. Donc vous allez avoir les informations à ce sujet également en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui. Tout d'abord, Mona, ça va bien? Oui, très bien. Et toi, tout le monde, comment allez-vous? Oui, j'espère que les gens qui nous écoutent vont bien également ce mois de novembre 2021. Donc, pour débuter, je voulais t'amener dans un premier temps là, à commenter, entre autres, l'identité numérique et plus particulièrement le portefeuille numérique qui s'y rapporte. Donc, au début, on va commenter un petit peu l'actualité en général, puis par la suite, les gens qui seront intéressés à aller plus loin, eh bien, vous allez pouvoir retrouver la vidéo complète là, de l'enregistrement d'aujourd'hui sur Odyssey, qui est un lieu de diffusion web qui nous donne une vaste liberté d'expression, à la différence de d'autres plateformes où ça devient plus délicat là, de commenter là, d'une manière ouverte, explicite, là, la crise sanitaire. Donc, pourquoi que je veux t'amener à parler d'identité numérique, c'est qu'il y a quelques heures, j'ai eu un article qui m'a été partagé là, sur Internet et je pourrais le mettre en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui, à l'effet que le gouvernement du Québec, donc le ministre ici au Québec, Éric Kerr, mais les gens qui nous écoutent en Europe, inquiétez-vous pas, vous allez vous diriger sans doute vers la même chose que nous, veut mettre en place un système d'identité numérique. Avec un portefeuille numérique, c'est-à-dire que chaque citoyen aurait dans son portefeuille numérique donc le permis de conduire, la carte d'assurance maladie, carte de débit, carte de crédit, assurance. Donc l'idée du portefeuille numérique, c'est que sur une application avec un téléphone intelligent, via reconnaissance biométrique, ça pourrait être par exemple la reconnaissance faciale ou également une empreinte digitale, eh bien les gens, à partir d'une reconnaissance biométrique, on pourrait avoir accès à toutes les données personnelles. Donc à ce moment-là, ça serait plus pratique que si la personne oublie sa carte d'assurance maladie, son permis de conduire. Donc tout serait regroupé à un même endroit et on pourrait accès à toutes ces informations-là là, par rapport aux citoyens. C'est fin, ça! Donc, on nous vend l'idée que ça serait pratique, hein? Oui, on nous vend l'idée, c'est le cas de le dire. On nous vend une balayeuse. Il y a une expression au Québec. Vendre un frigidaire à un Esquimau, hein? C'est bien fait. Exactement. Sauf que je voulais t'amener à commenter, parce que c'est le même Éric Kerr, le même ministre, qui, quelques jours avant la mise en place du passeport vaccinal, nous a dit « Ah, c'est sécuritaire! » sur le plan numérique, puis quelques heures à peine, puis ça c'est documenté dans les médias de masse, avant la mise en application du passeport vaccinal ici au Québec, ça avait déjà été fraudé, puis il y avait des faux codes QR qui étaient créés. Fait que là, est-ce qu'on peut lui faire confiance avec cette histoire d'identité numérique? Bien, c'est sûr que non. La question est assez évidente. Pour moi, la réponse, suivez l'argent. Moi, je ne suis pas une personne qui a un problème avec la technologie. J'ai un problème avec qui contrôle la technologie présentement. Qui a intérêt à mettre en action une technologie? Tu sais, on parle beaucoup de l'avantage des nouveaux vaccins. Tu sais, on peut aller là-dedans aussi le numérique. Oui, ça peut faciliter effectivement certaines choses dans nos vies. Mais le but, c'est pas ça, là. Le but n'est pas de nous faciliter la vie, le but, c'est de prendre le contrôle sur nos vies. Mais pourquoi pas les deux? Ça peut être aux deux niveaux. C'est-à-dire que d'un côté, ça devient plus simple à gérer parce que oui, il y a moins de risques d'égarer des documents, mais en même temps, ben, c'est sûr que quelqu'un que son identité numérique serait bloquée, ben là, la personne n'a plus pu utiliser son permis de conduire, la carte d'assurance maladie est comme bloquée en société. Même chose pour son compte bancaire où toute l'information est là, tu sais. Ben oui, mais c'est ça le problème. C'est qui décide de barrer ton compte quand t'as pas, tu t'es décrotté le nez de travers? C'est qui définit ça, là? Bien, c'est justement là-dessus que je voulais en venir avec toi, parce que si on regarde qu'est-ce qui se passe présentement avec la Chine et le système du crédit social qui a été implanté, où chaque citoyen peut gagner des crédits Attention, ou en là, c'est pas perdre. la Chine au complet qui est implantée, c'est testé dans certaines régions en Chine. Parce qu'à Shanghai, il n'y a rien de ça. Ils sont 8 millions, là. Ou 24 millions, je sais pas. OK, ben je me corrige. C'est-à-dire qu'en effet, c'est pas l'ensemble de la Chine, mais il y a certaines régions où ça a été implanté. Ou un peu comme une espèce de système de karma, si on peut dire, contrôlé par une espèce d'élite qui va dire, ben là, si tu fais de la délation, tu gagnes des points de crédit social. Par contre, si tu circules sur un feu rouge, là, tu vas en perdre. Fait que là, c'est comme une espèce de morale qui surveille les individus avec des caméras un peu partout pour déterminer c'est qui va gagner des points ou d'en perdre. Non, mais c'est quoi ta question, David? C'est quoi que tu veux Oui, savoir par rapport par rapport à, dans le fond, le portefeuille numérique puis la numérisation de la société, à... dans le fond, moi, ce que je voulais t'entendre par rapport à ça, c'était de voir, selon ta sensibilité, c'est quoi les forces qui sont derrière ça au niveau occulte. Les forces en arrière de ça sont sûrement pas à mon service. Ça s'arrête là. Moi, là, les forces qu'on parle, ben c'est évidemment pour moi astralisé au bout. C'est ce qu'on appelle la guerre des plans, les satanistes versus luciférien. Moi, ça m'intéresse pas, je vous le dis tout de suite. C'est une guerre entre deux mondes. Mais ils sont pas à notre service, puis c'est pas vrai que c'est là pour nous rendre service. Fait que moi, à partir de là, tout ce qu'ils me proposent, c'est toujours dans le but de contrôler ma vie ou contrôler la vie de tout le monde. Moi, j'embarque pas, je suis pas capable d'embarquer là-dedans et j'embarquerai pas. Je crée en dehors du système, c'est tout. Mais Mais... justement, ça va m'amener à te parler là, de l'imposition du passeport vaccinal au Québec qui est mis en place depuis déjà là, plusieurs jours. Donc, avant d'en parler, je vais mentionner aux gens que là, la suite de l'entrevue, ça va être seulement sur Odyssey, parce que là, on va toucher un sujet un peu plus sensible, sachant qu'il y a eu beaucoup de censure qui a été faite sur le web, là, où, donc, par rapport au passeport vaccinal, Juste un petit aparté, tu vous oui. trouvez déjà, il y a plein de censures, on est en train de vous implanter une nouvelle une affaire de fou, là. Puis on censure tout le monde. Déjà, ça vous allume pas. Déjà, moi, c'est suffisant que j'embarque pas là-dedans, là. Ben écoute, depuis là, on est rendu sur Odyssey, là, ce qu'on continue. Depuis plusieurs semaines sur YouTube, il y a énormément de censure. Là, récemment, il y a eu le doc Mayou Qui a été censuré, mais oui. qui a été censuré, puis je vais t'amener à commenter ça aussi, parce que il a été censuré parce qu'il a dit que des enfants, il en meurt pas de la COVID. Puis comme il a C'est été. Oui, mais vrai. c'est ça le problème, c'est que c'est vrai, puis pour ça. OK, il y a eu une strike, c'est-à-dire que trois strikes, you're out, là, c'est un peu comme au baseball, là, c'est trois prises, t'es dehors. Fait que là, à cause de ça, il s'est fait censurer une vidéo, puis il est menacé, puis il se fait encore deux autres fois censurer, il perd son compte sur YouTube. Et là, dans le fond, j'en discutais avec quelqu'un, puis lui, ce qu'il me disait, pourquoi ils sont très sensibles avec le Doc Mayou, c'est parce que là, présentement, ils sont dans la phase de la vaccination du 5 à 11 ans. Fait que lui, s'il défait l'agenda en disant, regarde, les jeunes, ils n'en meurent pas. Ben, à ce moment-là, ça va porter atteinte là, à leur objectif de vacciner tous les jeunes de 5 à 11 ans. Puis, je voulais t'amener, c'est sûr, à commenter là, par rapport à cet agenda-là. Pourquoi que présentement, on cherche à vacciner une population, non seulement qui n'en meurt pas, mais de les informations que je dispose présentement, ils n'en font pas des versions graves là, de la COVID, là, ils ne sont pas aux soins intensifs non plus, là. Ça dépend. Ben en fait, les enfants sont pas un problème. C'est pas un problème pour les enfants, le COVID en passant. Ça n'a jamais été. Au Canada, s'il y a deux, trois morts gros max avant 30 ans, de ça, 25 ans, c'est beau. Je comprends pas ta question. Excuse-moi, David, ça part dans tous les sens dans ma Oui, tête, là, il n'y a mais pas de problème. Donc, parce qu'il y a tellement choses à dire ou à ne pas dire, ça dépend. Ben là, on peut parler librement, on est sur Odyssey. Bon, ben, je vais y aller. L'agenda, ils vont tout faire pour l'implanter. Ils vont tout faire. Mais sauf que c'est ça, c'est à nous individuellement de se positionner de façon à créer une autre façon de penser puis de faire ce que je fais présentement. J'embarquerai jamais dans le système, oubliez ça. Jamais. Jamais, jamais, jamais, jamais de mon vivant. J'ai 60 ans, fait qu'il m'en reste pas trop. Mais le plan est sur 10 ans. Fait que si d'ici 10 ans, ben là, ils ont raccourci ça parce qu'ils sont coincés. C'est pour ça qu'ils font plein d'erreurs, puis que le plan passera pas. Mais le plan, ils peuvent plus s'arrêter. Eux autres, ils continuent, continuent. Fait qu'ils vont censurer n'importe qui contrecarre le plan ou qui informe les gens de ce que devrait être dit, qu'ils veulent pas dire. Et les enfants, le but, c'est de mettre c'est de mettre tout de suite les enfants sous le contrôle, puis de sortir le parent de la vie d'enfant. Confiez-nous nos enfants, ça ressemble à ça, là. Puis on va s'arranger avec. On a déjà vu ce que ça donne dans le système d'éducation, là. Moi, j'ai deux gars de 21-23 ans, puis j'ai deux zombies. Là, fait que je ne suis pas nécessaire de vérifier que ça donne zombie. Ça donne zombie. Parce qu'ils ne sont pas éduqués. Il n'y a pas d'éducation scolaire comme ça devrait être. On n'apprend pas ce qu'on a à apprendre. On n'apprend pas ce qu'on devrait ouvrir et non fermer. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on enseigne aux jeunes, c'est comme ça avec des ornières, là, puis ils font plus rien de très. Fait qu'ils sont déjà brainwashés. C'est ça le but, brainwasher vos enfants. C'est tout. Ben, Puis là, c'est ben, sûr les que, enfants, oui. on teste dans la maison, puis la chicane pogne, puis c'est déjà commencé. Ben, c'est sûr que moi, dans le fond, le questionnement que j'ai, entre autres par rapport aux jeunes, c'est, on dirait qu'on est en train de conditionner les enfants, là, un peu comme en Chine, là, tu sais, il faut qu'ils soient à 2 mètres des autres, le masque tout le temps, il faut qu'ils écoutent au pas, là, tu sais. Puis en leur faisant peur par rapport à la menace du virus. Puis, ouais. Mais Mais, ouais. tu peux rien dire là-dessus si ce n'est qu'ils vont tout faire pour exécuter ce plan-là. Puis là où nous, on a un rôle à faire, c'est individuel. Tantôt, on parlait d'individualité versus individualité. Ça, là, la différence entre individualité Puis et individualité. individualisme, sinon. Ouais, en tout cas, moi, je trouve ça difficile à prononcer ces mots-là, je te l'ai dit, ils ne veulent pas sortir de ma bouche, je ne sais pas pourquoi, là, mais pour moi, c'est désharmonieux. Il y a un problème déjà dans ce mot-là. On peut être individuel, peut-être avec les, puis être en société aussi. Puis c'est ça l'objectif, c'est d'arriver à être nous, arrêter d'essayer de plaire à tout le monde, là, puis de faire nos fins finaux. Au Québec, on est tellement bon là-dedans. On est tellement qu'on nous aime. Oh. Le côté Exactement. chrétien du Québec, là, il va-tu crever un jour? Pas de santé. Mais ça veut peut-être être avec des chocs de vie, dans le sens que lorsque les gens souffrent d'une condition, ben ça, depuis le début de la crise, il y a beaucoup de dommages collatéraux, dans le sens qu'il y a des gens qui ont Il développé semble des qu'il n'y problèmes en de a pas santé eu mentale. assez, hein? Non, ça aussi, c'est une autre game de spiritueux. Oui, on souffre. Non, vous ne souffrez pas encore assez, sinon il n'y aurait un changement. Fait que c'est pour ça qu'on va aller dans la marde, puis c'est pour ça qu'on va voir des bébés venir au monde avec trois têtes, deux bras, quatre bras, puis on va voir des bébés mourir à naissance, mais ça n'a pas rapport avec la vaccination des femmes enceintes. On va aller tellement loin là-dedans que là, on va savoir c'est quoi souffrir. Ben, en fait, tu as sans doute On raison chiale. qu'on Non, souffre. non, moi, j'ai pas fini, Oui. David. On chiale. On souffre pas vraiment. Il y a des gens qui souffrent, oui, mais ils souffraient déjà avant le COVID. Fait que si psychiquement, tu étais fragile avant le COVID, tu es mort présentement, pas loin. Si tu étais déjà pas pire solide, puis que tu rentres dans ce qu'on vit là, ça te fragilise. Fait que si ça n'a pas bougé au Québec encore, c'est parce qu'on passait souffert. C'est ça que je te dis, il va falloir aller jusqu'au. Là, on est rendu. On n'est pas sur le bord du précipice, on est rentré dedans. Là, le monde a dit, ben là, tu nous fais peur. Ben, il y a assez peur, Chris, pour agir. Parce qu'il semble que vous n'ayez pas assez peur. Vous n'avez pas compris grand-chose. Parce que si, ça n'a aucun sens qu'on nous propose. Aucun sens. Ça a aucune logique intelligente, aucune logique intellectuante, même pas de l'intelligence, de l'intellectuance. Ça fait 75 ans qu'on sait qu'on ne devrait pas vacciner des femmes enceintes avec des vaccins ordinaires, mais on est assez épais et idiots sur la planète pour vacciner des femmes enceintes. Et ces femmes-là qui se disent supposément intelligentes et sensibles, enceintes, acceptent d'être vaccinées, il faut être idiot d'aplomb. Je suis désolée. Non, non, mais moi, je trouve ça spécial, justement, la vaccination des femmes enceintes. Tu m'as partagé une vidéo, je vais la relayer à notre public pour que les gens comprennent de quoi on fait allusion, là. C'est un bulletin de journal, là, de Radio-Canada où il est question, justement, là, qu'il y a une pédiatre, ça fait au-dessus de 30 ans qu'elle pratique, elle a jamais vu ça, des problèmes de santé, là, avec des bébés naissants. Des Puis, sachets. Il n'y a aucune explication dans la vidéo de quelles seraient les raisons potentielles là, de ça. On ne fait aucunement allusion à la possibilité que ce qui est différent depuis 30 ans, c'est parce que là, on vaccine massivement les femmes enceintes. Aucune allusion à ça. Fait Ben, que. premièrement, ce qui est choquant, si on regarde les nouvelles, puis tout ça pour vous démontrer, dans le fond, c'est d'arrêter de croire ce qu'ils nous disent, c'est toujours des mensonges. Cette Mais dame-là, à on ta parle. minute, des fois, ils mélangent la vérité. C'est comme, mettons, à découverte récemment. Ont sorti l'information que le virus a. L'hypothèse qui est actuellement celle officielle, c'est que ce serait probablement une fuite de laboratoire. Il y a plusieurs mois, on disait que ah, c'est des propos complotistes. Puis là, à peu près un an et demi après, on nous dévoile ça. Fait que des fois, ils en mettent un peu de vérité. Mais comme tu dis, il y a beaucoup de mensonges. Ben, en tout cas, ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de mensonges. Ben, il utilise certaines parts de la vérité, il l'inverse, il inverse. Ils sont très, comment on parle, ils jouent beaucoup avec la sémantique, ils sont très éduqués. En passant, les mots, là, Oui. les Bertrand disaient les mots ont des ailes. Dans le cas, ils savent s'en servir en tabarnak. Tout à l'heure, vous en rendez compte. On est tout endormis par le petit mot doux, là, une petite façon de faire. Mais ils jouent avec la sémantique. Mais je reviens à cette pédiatre, Oui. cette femme dont on parle, c'est une médecin en pédiatrie, à 30 ans d'expérience à Sherbrooke, en passant. Elle est à l'hôpital de Sherbrooke et elle déclarait avoir 6 petits bébés naissants. 6. On est à Sherbrooke, là? On est pas en guise. 6 petits bébés naissants en bas d'un mois, très malades présentement. Puis elle ne peut pas vous dire que ça a un lien avec la vaccination, même si elle le sous-tend. Parce que si elle le dit, elle perd sa job. L'autre aspect qu'on sait, mais ça, ce que je veux dire, c'est qu'il faut être idiot pour se faire vacciner enceinte quand on. Faut arrêter de donner notre pouvoir aux autres. Je ne sais pas quand est-ce qu'individuellement on va le comprendre. De s'informer par soi-même, de trouver nos. De questionner les gens qui nous proposent des choses, que ce soit un médecin. C'est normal de se questionner. Si moi, quand on me dit, ben là, ils me l'ont fait il y a 35 ans, quand ils m'ont offert une chirurgie de fusion de vertèbre, puis que j'ai dit non, j'avais 25 ans. Le neurochirurgien, qu'est-ce que vous croyez qu'il m'a dit? Hey, pour qui tu te prends? Ben, j'ai dit, je me prends pour Mona Hébert. C'est tout. Mona Hébert a dit non. Fait que Mona Hébert, ça dit non, tu ne vas pas rentrer dans mon petit corps. Ouais, mais c'est moi le médecin. Je dis oui, mais c'est moi qui ai mon corps. Désolée, tu ne feras pas ce que tu veux avec mon corps, je vais décider moi-même. Avec ce que vous me proposez, je ne vois pas de solution, je vous reviendrai plus tard si je n'ai pas d'autre option. Ce que je n'ai jamais fait de retourner en arrière, parce que je les avais écoutés, je suis en chaise roulante, les amis, aujourd'hui, depuis longtemps. Parce qu'on me promettait la chaise roulante à 40 ans. Ce que je veux, c'est une attitude mentale qu'il faut développer de questionner, mais s'informer aussi. Quand je dis que les femmes enceintes, ça fait 75 ans, 50 ans au moins, qu'on sait qu'il ne faut pas vacciner les femmes enceintes, comme on sait qu'il ne faut pas vacciner pendant une épidémie, qu'avons-nous fait de pressant? On vaccine massivement pendant une épidémie, ce que l'OMS, depuis 75 ans, dit de ne pas faire, puis le dit encore. Y a-t-il quelqu'un? Qui allume? Mais non, on vaccinait Exactement. Puis pendant on a les chiffres par rapport à Israël présentement qu'au mois d'août, alors qu'ils vaccinaient massivement pour la troisième dose, il y avait une augmentation fulgurante des cas. Puis là, après ça, au mois de septembre puis octobre, vu qu'ils vaccinent plus massivement, ah, les cas ont diminué. Mais pourtant, la température est de plus en plus froide. Donc logiquement, si le virus circule plus à température froide, ben il devrait avoir plus de cas présentement, alors que c'est pas le cas. Fait que c'est ça. c'est Il y ouais. a ça, mais il y a aussi le comparable maintenant qu'on peut faire avec un pays comme la Suède qui n'a pas suivi du tout ce genre de conneries que nous avons eues, dont le confinement, la pique obligatoire, la grosse pression. Ils n'ont rien connu de ça. Puis étrangement, ils s'en sortent très bien présentement. Vous allez voir les chiffres, ils n'ont à peu près pas de cas. Oh, l'immunité collective, peut-être? Ben oui. En plus, on a un système immunitaire qui fonctionne, nous autres, l'humain, qui est pas mal plus performant que le leur. Ben oui. Ben, c'est ça, je dis, arrêtez de croire à Arruda ou compagnie, c'est pas Dieu. Il y a eu Dieu au Québec, là, il y a Arruda. Lâchez-moi la croyance, puis allumez. Non, oui, Il faut exactement. pas accepter ça individuellement. Puis individuellement, si on se positionne individuellement, puis qu'on est des milliers, puis je pense que c'est ce qui est en train de se faire, même si on ne dit pas tout le monde, il va y avoir une résistance passive et silencieuse, mais elle va être la résistance. Ça commence à être là. Puis en passant, moi, si vous voulez me vacciner obligatoirement, là, je peux vous dire qu'il y aurait des petits troubles avec moi. Je ne dirai pas quoi, je n'informerai pas l'astral, mais je peux vous dire qu'il ne me piquerait pas de même, moi. Puis il ne me ferait pas perdre ma job non plus comme ça, mais je dépends pas d'eux, c'est ça qu'il faut comprendre. Moi, je suis autonome complètement. Fait que le gouvernement peut bien obliger plein de choses, ça m'oblige à rien, moi. Je suis chez moi, mon studio est rendu chez moi. Fait qu'ils peuvent rien faire. Je suis pas public, je ne suis pas pignon sur rue, j'ai écrit C'est mon camp il y a 7 ans. Donc, c'était suivre ça, suivre ce qu'on sent, ça nous sert à nous, moi, c'est ça. Je veux dire, ma vie s'est construite comme ça. En écoutant Ben mon oui, sens. c'est ça, il faut s'écouter par rapport à tout ça. Et Oui. c'est sûr que la situation présente n'est pas évidente parce que, comme tu le vois, comme moi au Québec depuis plusieurs mois, là, c'est des chantages, c'est de l'harcèlement, c'est du C'est de la mépris. peur. Ce n'est que de la peur, David. Il ne génère que de la peur. Allumons. Allumons. Depuis quand la peur est de bons conseils? Depuis quand? Même Arruda le dit, il dit la peur fait faire des choses qui ont crissement pas d'allure. Même le docteur Arusha Odol le dit. Ben oui, c'est ça qu'ils utilisent pour vous faire faire n'importe quoi, vous avez compris. Exactement. Mais il ne marche pas sur tous les plans parce que la vaccination obligatoire pour le 15 octobre pour le personnel de la santé ici au Québec, il y a eu suffisamment de monde qui ont refusé pour que ce soit reporté au 15 novembre. Puis même le 15 novembre, si on va capable de le passer, il y aura encore plus de monde con. Ça ne passera pas le plan, c'est une question de temps. Moi, je le sais, ça, là. Maintenant, c'est les jours sont comptés même. Il y a eu assez de monde sur la planète d'éveillés. Si on veut le regarder occultement, là, c'est qu'il y a Oui. assez de monde qui ont été sensibilisés et éveillés sur la planète pour que la transition se fasse et non pas que eux gagnent la game. C'est fini, ils vont tout être dévoilés. C'est terminé. Ça sort d'ailleurs, si vous regardez, en Espagne, ils viennent de donner une Cour suprême de sortie que c'était inconstitutionnel, toutes les contraventions COVID. Fait que le gouvernement est obligé de rembourser toutes les contraventions qu'ils ont données. On parle de quelques millions de contraventions. C'est en Espagne. Tu as un jugement en Ontario qui est sorti en Cour suprême aussi. Je ne sais plus c'est qui, c'est une compagnie ou je ne sais pas qui voulait faire congédier ces gens qui ne voulaient pas se faire vacciner. Ils sont allés porter plainte en Cour supérieure, je crois. Ils ont gagné leur cause, c'est anticonstitutionnel. C'est ça que je dis, il faut se défendre. Puis là, ben, au Exactement. Québec, tu as un mouvement qui s'organise syndical avec le retour de Rambo. Il me fait mourir de rire, ce personnage. Mais Rambo, il va rallier beaucoup de monde du syndicat, tu vas voir. Ouais, en tout cas, on va espérer qu'il va y avoir une opposition, en tout cas, qui va se créer par rapport à tout ça, parce que c'est comme, dans le fond, très aliénant, là. Présentement, quand tu regardes qu'est-ce qui se passe entre le gouvernement et les médias, là, que ce soit Richard Martineau ou Denise Bombardier qui nous dit qu'il faut faire la guerre aux anti-vax, elle déclare ça dans un article, je ne sais pas si tu l'as vu, là. Ah, j'ai tout vu, puis moi, j'écoute plus ça parce que ça me met trop en colère. Ça me met trop en colère d'entendre ces gens nous mentir, manipuler, dire n'importe quoi. Attiser la haine, accuser les autres d'attiser la haine quand c'est eux qui le font. Ben, c'est ça, là. Tu sais, il peut pas avoir de discours plus haineux que Denise Bombardier qui invite les gens, dans le fond, à faire la guerre aux anti-vax, là. En tout cas, moi, Mme Bombardier, je ne ferais pas ça un test psychiatrique. Là, je commence à penser qu'elle est démente. J'ai-tu dit quelque chose, moi? On n'est pas Moi aussi, je doute de son état de santé mentale, mais donne sérieusement ta santé Moi, mentale. présentement, ce que je pense, c'est que si un jour ça vire mal leur expérimentation génétique, Ça va venir. c'est sans doute ceux qui en ont fait la promotion gros comme le bras qu'ils vont être confrontés aux gens qui vont dire, ben moi, je t'ai cru là quand que je lisais le journal. Imagine la femme enceinte qui s'est faite injecter, si elle a des problèmes avec son enfant ou elle-même sa Ta santé. vie, là, les enfants là, qui viennent au monde avec des problèmes, c'est ta vie. Pour qui c'est payant, ça, vous pensez? Pour parents qui vont être poignés avec un enfant malade? Ben oui, ben oui, ben oui, c'est Big Pharma toujours. Cherchez l'argent, regardez où est l'argent, puis qui mène l'argent. C'est qui est en arrière de tout ça, tu sais? Comme le docteur Marquis là, à TUV, là, quand vous Oui. regardez, je te l'ai dit l'autre fois, j'ai juste fait une petite recherche de rien du tout pour découvrir que le docteur Marquis, il y a une subvention de Melinda et Bill Gates pour ses équipements à l'hôpital. Fait que le docteur Marquis, il parle des vents dominants, lui. Hein? C'est ça notre scientifique au Québec. Puis t'as l'autre, la cardiologie, machin, même chose, sont subventionnés par Bill Gates aussi, eux autres. L'université McGill, la médecine dans l'université McGill, trouvez-la, je ne vous invente rien. C'est des subventions encore de Melinda Bill Gates. Ah oui, Jonas Cardin en avait parlé, il avait fait des recherches dans une vidéo, puis C'est ça. Fait que c'est sûr qu'on est présentement dans un état où ce que la corruption va être, j'ai l'impression, de plus en plus dévoilée. C'est-à-dire, c'est qui influence les médecins, les juges, les personnes en position d'autorité, là? Oui, puis comme dit si bien Berthold, c'est 26 000 ans d'involution qui se terminent. Fait que c'est sûr que ça va être dévoilé. Ça fait 300-400 ans, ces trous de cul-là particulièrement, là. Mais c'est fini. C'est terminé, ça. Quand même que ça s'étire sur 5 ans, 3 ans, 2 semaines, c'est terminé pareil. Mais l'astral va sans doute retarder le plus possible le moment de la fin, dans le sens que l'astral, avec son instinct de survie, qui est une force retardataire, va essayer le plus possible, j'ai l'impression, d'étirer l'élastique longtemps, là, tant que les gens ont embarqué dans la peur. Ouais, pour les incarnations massives qu'on voit là, venir, puis de mémoire qui descend sur la planète, c'est clair que ça s'astralise énormément. Mais moi, je pense qu'on est rendu à prendre conscience tranquillement, pas collectivement, là, mais individuellement, que puis je le vois en coaching, d'arrêter de subir l'astral, c'est à nous de les informer maintenant. C'est d'inverser les rôles, comme eux autres nous inversent. Tu sais, ça fait des milliers d'années que c'est l'astral qui nous informe, mais là, c'est à nous autres d'aller plus loin que ça, puis des informer qu'on va d'affaires là. Des crises. Non, non, Mais exactement. C'est à nous de les contester, ça puis a un autre sens, là, tu sais. ouais. Mais ça s'en vient, c'est ça qui rentre, là. C'est ça, c'est l'individualisation. Il n'y a plus d'intermédiaire, autrement dit, entre ton contact puis toi, Chris, là, c'est toi. Ben nous, on a l'astral qui n'est pas ni C'est l'ami ça, ni l'autre. l'astral est plus là pour parasiter entre les deux, là. Puis quand t'es là, on est conscient. Moi, de plus en plus, je suis sûre que les gens, lui, ceux qui sont en développement de conscience, comme on semble parler, c'est que plus j'avance dans le processus, plus je me rends compte qu'il faut que j'instruise des fois des entités qui viennent me voir. Hey, regarde, non! Va ailleurs. Ou t'as plus d'affaires ici, là, ou incarne-toi, ou tu sais, bon, peu importe là, ce que vous avez à communiquer avec, mais il faut les instruire. On est rendu à les instruire. Oui, Non, exactement. instruire. Donc, pour instruire, il faut avoir de l'information, il faut avoir accès à de l'information. C'est-à-dire qu'il faut être capable de, dans le fond, générer une parole vibratoire, canaliser l'esprit qui va amener un taux vibratoire plus élevé que le leur, qui va les amener à connaître des ajustements vibratoires dans notre contact. Tout à fait. C'est nous qui avons autorité sur l'astral. On va découvrir ça chez l'humain, là. C'est nous qui avons l'autorité sur eux et non l'inverse. Jusqu'à présent, on subit leur monde, mais c'est pas réel. Ça vraiment, on est bien plus puissant que ça. Oui, exactement, mais on nous fait croire qu'on est des moutons alors qu'on est des lions en potentiel. Ah, on est tellement grand. Je commence à capter ça des fois, là, des petites étincelles de notre grandeur de race, là. Je parle de la race de l'homme. Oh, c'est de toute beauté ce qui s'en vient. J'en ai des larmes, rien qu'à le toucher. Mais ça va prendre que c'est sûr que ça vient pas demain matin, là, ce que je vous dis là, mais c'est en implantation, puis c'est déjà là. Exactement. Moi, j'ai l'impression que ce que ça va prendre, c'est que les gens se désillusionnent du gouvernement. C'est parce qu'au Québec, on n'a pas souffert du gouvernement comme ça a été le cas, par exemple, en URSS, où les gens ont souffert de famine. Il y en a qui étaient envoyés dans des camps de concentration. Fait que comme on n'a pas souffert autant qu'eux du gouvernement, ben on peut avoir une certaine naïveté. Puis là, c'est sûr que si ça tourne mal l'histoire de la vaccination de masse, ben là, je pense que ça va être là que les gens vont se désillusionner du gouvernement, qui disent « Ah, c'est sécuritaire comme Christian Dubé puis toute la gang. » Mais je ne sais pas comment ça va tourner, là, honnêtement, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un choc de réalité éventuellement. Ben, ça va tourner, il va y avoir beaucoup de morts, beaucoup de gens qui vont devoir. Parce que tant qu'on fait du déni, ça va rentrer et ça va toucher beaucoup de gens. Ça s'en vient, là, je le vois. Ils parlent Mais d'autres. L'hiver noir, là, de Dark Winter. C'est parce que c'est ça. Ça a des conséquences qu'on accepte de se faire injecter, puis on ne sait même pas ce qui injecte. Hein, fait que on va aller voir les conséquences. Puis Bertol en a glissé un petit mot, là, puis je suis assez d'accord avec lui. C'est triste, moi j'espérais qu'on ne se rendrait pas là, mais c'est ça pareil. excuse-moi, tu fais allusion à quoi ici? Bertha, un moment donné, disait, on revient, on pourrait revoir des espèces de bébés monstres revenir au monde. Ben oui, vous souvenez-vous au Québec, là, le médicament qu'on donnait aux femmes enceintes qui avaient mal au cœur, puis qui Oui, était allé la modeler? thalidomide. Merci. Ça a pris combien de temps au Québec? Pour comprendre qu'on faisait ça à nos femmes enceintes. par rapport à l'univers du monde dans lequel nous vivons sur la Terre. On a pris du retard de 10 ans au Québec. Pourquoi? Parce qu'on n'écoutait personne ailleurs. Comment on fait aujourd'hui? À part le Québec puis notre petit nombril, c'est dur de sortir de notre petit nombril ici. Mais la nouvelle existait depuis très longtemps dans d'autres pays. Aux États-Unis, ils ont arrêté ça bien avant nous. Nous, on continue à donner ça à notre peuple. On a un passé du Québec à, si on le regarde au niveau Québec, là, on a quelque chose, on a un gros déracinement à faire parce que, tu sais, on a de mémoire de peuple, on est dominé, conquis. On a été lié au fascisme des Allemands, même si on n'aime pas ça, les Ben oui, chemises les brunes. chemises brunes, Ben ouais. ouais. C'est parce que le monde n'aime pas ça quand on lui rappelle, mais c'est ça pareil, hein? Puis il était élu par du monde, là. Il y a pas, des machines dominion n'existaient pas dans ce temps-là. Fait que, tu sais, on a passé pas loin, facho, limite, là, hein? On a été soumis longtemps par la religion qui dictait aux gens comment se comporter, avoir des enfants chaque année aussi aux femmes. C'est ça, combien d'enfants par année qu'il fallait faire. Bien, tu sais, on était pliés, cassés. Là, je disais ça à quelqu'un hier, j'aimerais tellement être témoin de mon vivant d'une victoire du peuple du Québec, parce qu'on est un peuple intéressant. Les rapports hommes-femmes, on est dans les plus évolués qui existent. Fait que c'est pas la fin de notre monde, je suis sûre pour ça, parce que je pense que l'avenir appartient aux gens qui ont des visions, des relations humaines pas mal plus évoluées que ce que je vois dans le monde présentement. Puis je trouve qu'au Québec, on est dans les plus évolués là-dessus. Oui, dans les rapports hommes-femmes, par contre, on est très naïf par rapport à la science médicale puis le complexe pharmaceutique. Oui, parce qu'on est un peu paresseux intellectuellement, parce qu'on nous a toujours tout mis dans la bouche. Tu le dis, on fait confiance. Mais, tu sais, l'aide, je ne sais pas si tu as écouté, il y a une dame, on a écouté, il faudrait que je vous mette le lien de ça, David, parce que c'est tellement mignon. C'est mignon dans le sens, je trouve ça très, très touchant. C'est une Burkinabé qui parle à Macron. Je ne sais pas si tu l'as vu. Cette dame-là, c'est une femme burkinabé qui vient du Burkina Faso, qui Non. veut dire, Burkina Faso veut dire pays de l'homme intègre, et c'est un pays très particulier, le Burkina, que je connais bien d'ailleurs. J'ai été amoureuse d'un burkinabé pendant plusieurs années, quand dans ma jeunesse. Et cette femme-là s'adresse à Macron sur l'aide internationale. Elle dit, ça fait 100 ans que l'Europe, dont la France, contribue en aide financière au développement de l'Afrique. Et la conséquence, c'est qu'il n'y a aucun développement depuis 100 ans en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on n'en veut pas d'aide internationale, ce n'est pas de l'aide. Elle ne le dit pas comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Vous ne nous aidez pas à être autonomes, vous nous esclavagez. Elle le dit à un moment donné, c'est de l'esclavage, l'entraide internationale. Ah, ben j'avais déjà vu un documentaire qui expliquait que c'était du néocolonialisme, c'est-à-dire de garder les gens sous l'emprise. Dans ces mots, c'est exactement ça OK. qu'elle dit. Bon. Mais toi, ce que tu vois, je sais de quoi tu parles. C'est le néo, la suite du colonialisme C'est dans les ça. pays. Exactement. Fait que là, ça prend la forme de l'aide humanitaire pour faire de l'ingérence dans d'autres pays qu'on dit en voie de développement. Ouais. Mais ça, c'est pas de l'aide, c'est de l'esclavage assuré, caché derrière une main qui se tend vers toi, mais le prêt payé, c'est fois 10 en arrière. Puis c'est ça qu'elle dénonce, puis c'est ça qu'elle dit à Macron, elle l'a en face de. Il est dans sa face, puis il y a un petit sourire condescendant, puis je vais vous l'envoyer, je vais te l'envoyer le lien. Tu le mettras si tu veux. Ben oui. C'est intéressant de l'écouter, cette dame-là, parce elle lui dit aussi que. En tout cas, je vais vous laisser explorer la chose. Elle est parfaite, cette femme, elle le dit très calmement, très clairement. C'est ça que, aussi qu'il faut voir qu'on vit ici. C'est qu'elle dépend de nos gouvernements. Parce que là, qu'est-ce qu'ils vous vendent? De la peur et de la sécurité. Jusqu'où vous êtes prêts à aller pour la sécurité qui est fausse? Premièrement, la sécurité, c'est une illusion. N'oubliez jamais ça. Demain matin, tu peux te lever et t'es mort. Tu te lèves de ton lit, tu tombes à terre, t'es mort. J'ai failli mourir la semaine passée en passant. Bon. Moi, il y a une semaine, j'ai fait une chute que je pouvais me tuer. OK. Et je suis pas mort. Parce que j'étais pas le temps. Mais je peux-tu vous dire, j'y ai pensé en crise. Fait que, qu'est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on meurt? On ne le sait pas. Non, exactement. Puis là, on nous vend à coup de dose, une dose, deux doses, trois doses de sécurité avec le vaccin. On se fait injecter quelque chose avec comment ça s'appelle la roulette russe, Chris, là? On joue à roulette russe avec une injection, puis on capote sur la sécurité. Hey, y a-t-il quelque chose que vous ne comprenez pas quelque part? Non, non, c'est très contradictoire parce que les gens sont super précautionneux. Ah, ben là, faut que je sois à 2 mètres, faut que je porte mon masque, mais aucune précaution par rapport au vaccin parce qu'on ne connaît pas les effets à moyen et à long terme. J'ai eu une discussion il y a 2 semaines avec une dame qui me dit de monter mon masque au-dessus de mon nez. OK. Puis moi, je pars à rire maintenant, je ris. Là, je le regarde, je dis, ah, mais je peux pas, madame, je suis plus capable de respirer avec ça dans le nez, fait que je le mets à ma bouche, tu sais. Ouais, mais là, vous êtes dangereuse pour moi. Je dis, mais là, je la regarde, j'ai dit, vous avez un masque jusque-là. J'ai dit, probablement, vous êtes vaccinée. Oui, je suis doublement vaccinée. Mais j'ai dit, vous êtes protégée, madame, c'est quoi votre problème? Elle est incapable d'une discussion. Incapable Mais d'argumenter c'est parce que le sur la table, vous gouvernement, êtes en lien couché. avec ça, a créé une logique comme de quoi que la personne, même si elle est double vaccinée, il faut qu'elle ait peur des gens qui sont pas vaccinés. Comme François Legault a déclaré publiquement, il dit, moi, si j'étais patient, je n'accepterais pas là d'être soigné par une infirmière là, qui est pas vaccinée, là. Mais ben oui, c'est sérieux, là. Je sais, mais c'est stupide comme raisonnement. Faut être. Je sais bien que notre premier ministre a dit ça, mais c'est pas parce que c'est M. Legault qui parle, qui dit des choses intelligentes. Non, je sais, mais aux yeux de la population, c'est lui qui exerce le leadership. Donc, les gens de la population vont le croire, vont dire, t'es en position d'autorité, de savoir ce qu'il dit, il dirige le pays, ben, la province, pardon. Mais c'est ça le problème. Fait que... Là, attends, je continue, Oui, mais ça revient à ce vas-y. que tu dis. Là, je continue avec la dame. J'ai dit, mais madame, êtes-vous au courant que vaccinée ou pas, la charge virale est la même? Là, t'aurais pu voir le masque tomber en bas, la babine est tombée à terre, les 2 yeux, ils tombent à terre. Elle est plus capable. Elle sait même pas de quoi je parle. J'ai dit, mais madame, la charge virale, que vous soyez vaccinée ou pas, comme moi, est la même. Fait que votre vaccin, il sert à rien. Si vous comprenez quelque chose de ce que je dis. Et puis là, elle s'est à Tombouctou, la pauvre madame, là. Il parle pas de ça à TVA. Je me dis, ça, c'est du monde perdu forever. Il n'y a rien à faire avec cette minorité. Puis c'est une minorité de gens et non une majorité de gens, ce que je te dis là. Mais ces gens-là, ils ne vivent que par la peur, aucune logique. Moi, pour moi, ce monde-là, il est mort. Je ne m'occupe pas de ça. Mais je mets en guerre avec elle. Je n'ai pas fini de guerre. J'ai plutôt parti à rire. Je dis, madame, je vous souhaite la santé puis tout le bonheur nécessaire. Bonne journée. Je peux pas en vouloir à quelqu'un qui n'est pas capable de voir. Mais il y a du monde qui voit, des Legault. Tu m'as donné, tu disais, je ne sais pas si M. Legault, il va du B, ils savent ce qu'ils font. Excusez-moi, là, c'est pas parce qu'on ne sait pas que le culte existe ou pas, qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Là. Wow! Minute! J'ai pas besoin d'une petite entité occulte, que ce soit mon contact ou une entité astrale qui me parle, qui veut savoir que ce que je fais, ça n'a pas d'allure. C'est sûr que la Legault, personne peut avoir une c'est certaine bien conscience. naïf. Comment? Naïf. Legault puis Dubé, ils savent ce qu'ils font. Je suis désolée. Ben, moi, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas la conscience multidimensionnelle pour tout comprendre les implications de leurs actions. Je suis d'accord avec toi là-dessus, mais même s'ils ne sont pas conscients, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les regarder comme ils ne savent pas ce qu'ils font dans cette vie-ci. Occultement, les impacts, ils ne connaissent pas. Ça, c'est. On est d'accord. Bon, parfait. Mais. Ils sont quand même conscients de ce qu'ils font présentement, c'est-à-dire du mal à leur population. Ils gèrent un agenda qui ont de gens non élus, des multimilliardaires, puis leur objectif, c'est de faire partie de cette gang-là, Chris. C'est ça, la réalité. Mais qu'ils soient pas conscients des impacts occultes, bien d'accord avec toi, mais moi, ça les excuse pas à mes yeux, je suis désolée. Non, non, moi, ça les excuse pas. Par contre, moi, la façon que je perçois ça, puis c'est intéressant d'en discuter, c'est qu'ils ont une certaine naïveté. Tu sais, par exemple, Dubé, Christian Dubé, je l'écoutais, là, bon, il y avait une émission de JE où il filmait, là, pendant la gestion de crise, là, les 100 premiers jours. Puis, dans le fond, dans un bulletin de nouvelles, il apprenait, comme tout le monde par rapport à AstraZeneca, qu'il y avait eu des morts, puis là, il était comme... Il y avait comme une réaction que finalement, ouais, là, il était comme un peu, de ce que je voyais, là, un peu comme scandalisé, là. C'est comme il apprenait ça en même temps que tout le monde. Alors que, dans le fond, vas-y, je te vois sourire en coin. Je suis incapable de croire que ce gars-là, il vient de découvrir ça avec nous autres. Bullshit. Un hostie de show d'un bon acteur. Ils ont fait tout pour sortir. Leur plan de sortie, si ça marche pas, c'est exactement ce qu'ils viennent de dire. Oh, mais on ne savait pas ça. Ben non, nous, on le sait depuis 18 mois, puis toi, tu le sais pas, gros con. Hey! Je suis pas épaisse. J'ai perdu ma crédulité. Je suis désolée. Non, il sait ce qu'il fait. Puis même en disant, ah, être surpris, puis être tout décomposé, là, c'est un funesti de bon show. Non. Ça se peut pas qu'il n'ait pas accès à de l'information comme nous, on y a accès, chérie. Ben moi, ce que j'ai vu, c'est que parce qu'il est entouré, puis là, il y avait comme une attachée de communication qui dit là, comment qu'on va gérer la crise par rapport à AstraZeneca? Il semblait être comme pris au dépourvu. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont dit oui, pour les vaccins, puis c'est pas trop dans quoi qu'ils s'embarquent. Puis là, finalement, ça tourne pas nécessairement comme qu'ils pensent. Puis moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas les compétences en matière médicale. De toute façon, il n'est pas médecin non plus, le Christian Dubé, pour savoir toutes les implications d'un vaccin. Je suis même pas sûre qu'il est comptable. Mais bref, il est certainement pas médecin, comptable, il compte vite en tabarnak parce qu'il est en train de nous mettre dans le rouge encore lisse comme province puis pays. Mais bon, sans commentaire. J'allais dire quelque chose, mais là, je me suis égarée en partant dans autre chose. Je l'ai échappé, ça m'a parti. Il y Non, avait il quelque chose n'y a pas de d'intéressant. souci. Qu'est-ce que tu disais? Ben, oui. C'est que dans le fond, en tout cas dans le reportage, on présentait là, ces JE enquête, puis là, c'est les 100 premiers jours là, par rapport à la stratégie vaccinale, puis on le voyait jour après jour, puis il y a toutes sortes de choses. Puis là, de ce que je voyais dans le reportage, c'est comme si sa conseillère de communication était pris au dépourvu par rapport à AstraZeneca ou ces nouvelles-là. Ça vient de me revenir. OK. Restons dans l'idée qu'on pense que M. Dubé est naïf. Oui. Il n'a pas vu tout cela venir. Bon, ben, on va essayer de m'expliquer. Je ne sais pas si c'est Dubé ou Legault. Peu importe. De toute façon, pour moi, les deux sont au courant de la même façon, là, Dubé et Legault ou Arruda. Ce n'est pas un des deux qui a déclaré il y a quelques mois que la vaccination pour les femmes enceintes n'est pas dangereuse. Est-ce que je me trompe? C'est notre gouvernement qui a déclaré ça, hein? Je ne sais pas Ben, assez c'est qui, désolé. moi non plus, je ne sais pas si c'est M. Legault ou le Dubé ou l'Arruda, mais une chose, je sais que ça a été dit publiquement. Puis, je me souviens que quand ça a été dit, j'ai fait, hein, comment ils peuvent dire ça? Il n'y a même pas de bébé d'accouché encore de femme enceinte. Ça commence présentement, parce que c'est ça quand je dis on est naïf, il fallait calculer. Combien de temps qu'il y a de double vax au Québec? Ça fait présentement 11 mois ou un petit peu plus, je pense. 11 ou 12 mois, là. Fait que quand ils ont fait la déclaration, il n'y avait pas de bébé encore naissant vraiment de la période double vax qui a duré 10 mois. Et là, on commence à voir ça. Quand eux, ils ont fait la déclaration, moi, j'ai fait, comment ils peuvent déclarer? Parce que là, c'est là que je dis qu'ils ne sont pas naïfs. Tu peux pas déclarer qu'il n'y a pas de danger pour les femmes enceintes si tu n'as jamais eu de résultat de ça, tabarnak. D'accord avec toi. L'expérience n'est pas faite. Fait que vous venez me dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Excusez-moi, ils vous mentent en pleine face, puis ils savent. C'est-à-dire qu'ils font confiance aveugle au vaccin sans avoir d'études qui démontrent que c'est pas dangereux pour les femmes enceintes. Ben oui, mais même comme premier ministre, maintenant, là, on me dirait, Monsieur le ministre, mais Monsieur Legault, là, il va falloir déclarer telle affaire là, par rapport au vaccin des femmes enceintes, il n'y a pas de danger, le pharmaceutique nous le dit. Premier réflexe que j'aurais comme premier ministre, c'est de dire, y a-t-il des études qui confirment ça? Ben non. Ben là, je vois pas pourquoi je vais aller dire ça s'il n'y a rien qui confirme ce que vous me faites Mais probablement, dire. ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont dit, ah, ben, Santé Canada l'a approuvé, fait que ça va être correct. Puis si ça tourne mal, ben, on dira, ah, c'est Santé Canada qui a fait les démarches. Puis nous autres, provinciales, on est correct. C'est encore le méchant fédéral qui a autorisé ça. Ouais, Probablement que c'est mais ça qui peut s'ils arriver. C'est-à-dire sentent que. une porte de sortie, ces gens-là, ils savent qu'ils mentent. Pour ça, je dis, ne les excuse. Moi, j'excuse n'importe qui du peuple, mais des gens au pouvoir présentement, comme les journalistes qui ont le pouvoir de la communication, l'économique qui a le pouvoir de notre économie, puis les politiques qui ont le pouvoir entre les mains des gens qui ont voté. Je suis désolée, mais ils ne seront pas traités de la même façon par moi dans ma tête. Le peuple peut être ignorant, oui. On peut être ignorant, Ben oui, parce puis qu'on est gardé ignorant. oui, puis on est maintenu dans l'ignorance depuis très longtemps, mais les gens au pouvoir n'ont pas cette. Ils ont accès à de l'information que nous, on n'a pas accès, puis c'est pas vrai qu'ils sont ignorants à ce point-là. Mais ils jouent la game de ces gens-là, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que Legault, il n'est plus au service du peuple. Il ne l'a jamais été, de toute façon. Là. La CAQ, c'est fait, ça a été créé par Sirois. Sirois, si vous ne savez pas, c'est qui, hein? C'est riche en crissant. Ça fait partie du 1% de la planète. Non, c'est Bref. sûr qu'ils ont une dose de responsabilité, mais en même temps, ils n'ont pas la conscience que la pensée vient d'ailleurs, puis les entités systémiques, puis ces choses-là. Je la. Ben, probablement que non, quoique je ne sais pas, mais je ne suis pas dans les culottes, mais en tout cas, ça ne fait pas une grosse conscience. Ça fait la science de con, ça, c'est de la science de con, s'ils sont conscients. On appelle ça de la science de con. Ouais, de la connerie. Mais moi, j'ai l'impression que c'est peut-être que tu vas me dire, regarde, t'es naïf, mais moi, j'ai l'impression que ces gens-là se sont fait présenter par, dans le fond, un attaché qui dit, ah, j'ai analysé là, sur le vaccin, tout est correct, ou les données de Santé Canada sont correctes, on va de l'avant avec ça, puis eux autres sont bombardés par un paquet de points de presse, de journalistes, de ci, de ça, fait qu'ils n'ont pas le temps de faire une étude approfondie sur chacun des implications, fait qu'ils sont dans une situation où ce que tout va très vite alentour d'eux. Puis sont comme obligés de Bombardé croire. par un point de presse. De quoi tu parles, toi, là? Le bombardé d'un. Moi, j'ai jamais vu un point de presse où ils se sont fait bombarder de quoi que ce soit. Non, non, pas bombardés de questions. C'est-à-dire qu'ils sont sous pression pour, tu sais, parler régulièrement, s'adresser au peuple. Il y a plein de choses à gérer. Fait qu'ils n'ont peut-être pas tout le temps pour analyser puis évaluer, là. En tout cas, je m'arrête là parce que moi, je pense que quand tu es premier ministre d'un pays ou d'une province, tu as une responsabilité plus grande que celle de déléguer tout le temps tes affaires. C'est bien beau. Je n'étais pas au courant, j'avais pas le temps. Non, non, excusez-moi, non, pas dans une crise comme on vit, puis certainement pas en Troisième Guerre mondiale. Non, Qu'est-ce que c'est important présentement que de s'occuper de ça? Y a-t-il quelque chose de plus important que ça? Non, tu as raison. Puis ils ont déclaré l'état d'urgence à cause de ça, puis ils le maintiennent depuis plusieurs mois. Fait que c'est supposé être prioritaire. C'est ça. Puis qu'est-ce qu'il y a de si important de. Tu sais, ils nous disent, ah, oh, on n'a pas d'argent pour les hôpitaux, ça. Parlez-moi pas de ça, je viens bleu marin. On n'a pas d'argent pour le système de santé. Avez-vous déjà compté que 30 milliards divisé par 8,5 millions de gens, ça commence à faire du cash en tabarnak, ça, par personne, pour un système de santé qui plante? Exact. Ouais. 30 milliards de budget annuel de système de santé qui scrape 30, depuis 25 ans à coût de. Coupage de ci, puis de coupage de ça, puis que là, tout d'un coup, faut soutenir notre système de santé qui est en train de mourir. C'est ça, les excuses. Puis vous croyez ça? Voyons donc, ça fait 25. Je voudrais vous passer tous les trucs, les reportages de Radio-Canada depuis 20 ans sur le problème des urgences au Québec, Chris. Tout le monde sait ça. Puis là, tout d'un coup, Non, non, si réveillons-nous, là, ça va faire. Puis c'est pas vrai qu'ils savent pas, ils savent ce qu'ils font, mais David, c'est évident. Oui, ils savent des choses. C'est comme Christian Dubé qui déclarait, ah, on manque d'infirmières, puis ils menaçaient de congédier celles qui sont pas double injectées. Voyons donc, c'est contradictoire, puis on est supposé être en état d'urgence. Fait que si on est en état d'urgence, on est supposé avoir besoin de tout le monde. Ben c'est ça, mais ça te donne une idée de comment ils vont traiter les couches de la société selon leur plan. Il y a 19 mois, là, les infirmiers, infirmières du Québec et médecins, c'était des anges. Là, tout d'un coup, c'est devenu des trous de cul. Ça, c'est l'effet de polarisation. Quand que ça sert un agenda, ah, t'es notre ange, puis finalement, si tu t'y opposes ou t'es rebelle, ah, ben, t'es un méchant anti-vax, puis il faut t'éliminer du système. Là. Puis là, la prochaine étape, ça va être les éducateurs. Les profs qui ne veulent pas se faire vacciner. Donc, ça va devenir des trous de cul aussi. Ils vont y aller par étapes. Parce qu'ils Ouais, vont pas. probablement. Mais là, pour ne pas avoir d'opposition par rapport à la vaccination des 5 à 11 ans, là, présentement, ils ne touchent pas aux enseignants. Là, ils ont dit qu'ils n'allaient pas de l'avant avec ça, mais probablement que c'est retardé pour acheter la paix avec les enseignants pour qu'ils livrent leurs enfants là, de 5 à 11 ans sans s'y opposer. Regarde, je vais te donner un cue de mon esprit. Oui. Vous demandez pourquoi 5 à 11 ans? La question que mon esprit me pose. Je dis non, pourquoi 5 à 11 ans? Le système immunitaire humain prend 12 ans à développer. 12 ans à développer notre système immunitaire au complet. Pourquoi vous voulez qu'ils vaccinent avant 12 ans? Pour scraper votre système immunitaire, les petits-enfants. Pour être bien sûr de devenir des clients d'eux autres plus tard. Et voilà. Donc, autrement dit, on se prépare à faire du recrutement pour Big Pharma en affaiblissant des gens qui vont être pognés à le reste de leur vie à prendre de la médication pour En compenser. train de scraper le système immunitaire d'une population complète, une génération d'enfants entre 5 et 11 ans qui vont devenir des clients assidus de Big Pharma. Ils ne survivront pas sans picouiller. C'est fun, hein? C'est une belle fois. Autrement dit, ça pourrait les garder dépendants à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une dose à tous les 6 mois pour continuer comme à faire face au virus. C'est ça, puis si t'es pas faim, ben ta dose, tu l'auras pas, puis tu vas crever. Et voilà. C'est ça le système numérisation que tu parlais. Là. On va tout te numériser, tout le monde. Là. Puis là, le ah, il a pas eu. Lui, il a eu sa dose, mais il n'est pas fin. Il essaie de le faire. Prochaine étape, il n'a pas sa dose. Il crève. C'est ça qu'ils veulent. Pensez pas qu'ils vous aiment. C'est-tu qu'ils s'en calissent dans notre gueule? Vous n'avez pas idée. On n'est rien. Je pense que un cochon est plus important que nous pour eux. Mais à ce niveau-là, j'essaie de voir à quel point, que ce soit Christian Dubé ou François Legault, qui nous dirige aussi au Québec, sont conscients de l'agenda, mettons, lié à mettons, une partie de l'élite qui veulent faire de la dépopulation. Tu sais, à quel. Ben oui, ils sont au courant. Il était en réunion, tabarnak. Allô? Legault, c'est un petit ami de Schwartz, machin. Puis l'autre, la partie libérale qui était avec eux autres il n'y a pas si longtemps. Puis Plante, ici à Montréal, qui est allé une rencontre d'un autre collé à sa gang de 1 %. Comment il s'appelle, celui qui a écrit l'agenda de 2020-2030, le Schwartz, l'Allemand, là. Ben, Schwartz. Klaus Schwab, Je suis donc pas avec la capable de trouver le nom. quatrième révolution, donc lui qui dirige le Forum économique mondial, c'est sûr que bon, si on pense à Horacio Arruda avec sa petite pin, là, son épinglette qu'il a, qui lie aux objectifs globaux là, pour les Global Goals pour 2030, sinon comme tu disais, Dominique Anglade avec les Bilderberg, puis il y a un article qui parle qu'elle a été une réunion, ouais. Ouais, mais c'est la même gang. C'est toute la même C'est gang qui ça, mais ont. moi j'ai peut-être la naïveté, mais moi j'ai l'impression quand ils vont à ces réunions-là, ou comme là, il y a la COP, je pense c'est 26, pour sauver la planète contre les changements climatiques, eux autres se font dire, ben là, il faut que vous soumettez à ça pour sauver la planète, puis Ça, vous allez faire ça pour le bien. Comment? c'est la deuxième partie du plan. C'était prévu. Après le COVID, l'environnement. Là, ils vont vous faire capoter, là. On devient. Là, la prochaine étape, là, c'est que nous sommes l'ennemi de la planète. Oui, exactement. Puis on va amener des gens dans l'éco-anxiété. Puis un peu comme Greta Thunberg, là, dans son discours, elle qui est l'icône, là, du mouvement écologique contre la lutte contre les changements climatiques, a dit « I want you to feel the fear I feel every day ». Donc, ayez peur à chaque jour, là. Tu sais. Mais moi, quand j'entends ça, j'ai toujours comme réaction, pas une réaction, mais une pensée qui me vient à l'esprit. Je l'ai déjà dit à quelqu'un un moment donné qui me disait: ouais, nous autres, les humains, on est des cochons. Je dis: ouais, c'est vrai qu'on n'est pas très propre. Mais j'ai dit: il y a quelque chose que vous n'avez pas l'air d'allumer. J'ai dit: moi, quand je vais chez Jean Coutu ou chez Métro, dans une épicerie, là, puis que je vois 14 sortes de produits de shampoing pour les cheveux secs, là, c'est-tu moi qui produis ça? Non. Moi, j'ai jamais demandé 14 sortes de produits shampoing dans des contenants de plastique pour me faire dire après: ben là, vous polluez tout le monde. C'est qui a créé ces 14, 15 contenants différents de même produit? Mais quand on vient me faire sentir que j'ai un problème, c'est moi le problème. Moi, je lui retourne le problème. Comme je dis à ma ville de Montréal, ici à Villeray: ah, faut recycler. Moi, je débarque ou à la cour, pas à la cour, mais à l'Assemblée municipale, où il y a à peu près 4 mois cet été, au mois de juillet, fin juillet, où il y avait une rencontre. Je suis allée leur dire que tant et aussi longtemps que quand ils recyclent, ils laissent plus de merde à terre que quand il y en a dans le bac avant, là, que moi, je ne ferai pas d'autres efforts. Il y a toujours des câlisses de limites à nous faire sentir qu'on n'est pas correct. Quand je vois le camion de recyclage passer, qui garoche des déchets n'importe où, puis il en reste plus à terre qu'avant qu'il passe. Mais non, c'est ça, ça n'améliore Ouais, pas du mais tout la c'est ça la situation. vérité ici, là, à Montréal ou ailleurs. Fait qu'à un moment donné, ce que je veux dire, c'est que les gens, arrêtez de penser qu'on est un problème. Moi, dans mon quotidien, ce que je fais, c'est que je les ramasse, les déchets, mais viens pas me faire sentir un problème. Combien de masques vous pensez que je ramasse au sol toutes les semaines en amont de ma maison, les petits crisses de masse bleue, là, qui sont pas biodégradables, mais tout le monde s'inquiète de l'environnement. Ah oui? Qu'est-ce qu'ils font là, ces câlisses de petites crises d'affaires la terre? J'en ai au moins 3 ou 4 par semaine en avant de chez nous. Je parle rien que d'en avant de chez nous, qui Ben fait oui. même pas 50 pieds carrés, là. Alors, allô la terre, là? Mais c'est ça, Comment c'est qu'on ça? cherche tout le temps à nous culpabiliser. T'sais, là, on nous culpabilise si on ne suit pas les mesures sanitaires en lien avec la crise. Puis ensuite, on nous culpabilise si on n'est pas des bons croyants dans la religion verte écologique. C'est toujours l'idée de nous culpabiliser, là. Ils ont lâché la religion pour nous poigner dans l'environnement. Mais je ne pense pas que la Terre est si en catastrophe que ça, moi. Je Moi non pense que plus. c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Exact. Je ne dis pas qu'on ne pollue pas, là, un instant. Là, toutes les fois que je dis ça, le monde me dit: mais là, quand même, on pollue. Oui, on est des imbéciles heureux, mais la Terre est capable de supporter notre développement le temps qu'on comprenne quelque chose. Puis c'est ça l'idée, sinon. On serait plus là, tu sais. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que c'est pas nous le problème, tant individuellement, de consommer, c'est qu'on n'est pas éveillé au fait qu'on nous produit plein d'affaires inutilement. C'est ça, puis on est orienté à surconsommer, puis à acheter des produits avec l'obsolescence programmée, comme un téléphone intelligent, une télévision, que c'est programmé pour pas être durable. C'est qui nous a fait ces beaux produits-là? Moi, quand j'étais jeune, à part ça, je suis vieille, j'ai 60 ans. Mais un frigidaire, ça durait 30 ans, pas 8 à 10 ans. Puis un téléphone qui dure 4 ans et qui est passé date aujourd'hui, je suis plus capable aussi. Je suis sur le bord de me recoller un téléphone dans le mur. D'ailleurs, j'ai vérifié s'il en reste encore. Tellement je suis écœurée de ça. Arrêtons de penser que c'est nous le problème, puis pensons plutôt c'est comment on pense. Moi, le problème, c'est pas qu'on ait du confort. Tout le monde a le droit d'être Ben logé, oui. d'avoir un véhicule, se déplacer. Des véhicules non polluants, ça fait un câlisse de bout qu'on sait comment en faire, mais qu'on n'en fait pas. C'est-tu de ma faute à moi, ça? Non. Là, il faut qu'ils nous vendent des chars électriques à 45 000 piastres le char quand ça fait 60 ans que ça existe. Hey! Excusez-moi, là. Puis naïf, c'est fini. Ben non, exactement. On est orienté à faire sentir coupable à utiliser une auto-essence. Puis, pour nous amener à acheter des autos électriques, alors que, en réalité, les solutions qui sont pas polluantes, pour moi, là, existent avant même l'existence de l'humanité, parce que les extraterrestres, quand ils venaient ici, c'était pas avec des soucoupes volantes à l'essence, là. Tu sais, je veux dire, ils ont déjà une technologie, ben oui, qui existait déjà, qui est non polluante, qui leur permet de se déplacer des longues distances dans le cosmos. Mais ils n'ont Exact. pas voulu nous la partager. Fait qu'on est comme gardé dans un état de sous-développement avec des véhicules avec le moteur explosion puis des cochonneries de même. Et voilà. Mais je pense que la technologie, au-delà de ça, aujourd'hui, mais c'est vrai ce que tu dis, moi je considère ça intéressant, mais aujourd'hui, cette technologie, ça existe depuis longtemps, mais il n'y a pas d'intention de la mettre en marché. Ils n'ont Ben rien que non. l'intention de nous faire du chantage tout le temps, puis nous faire peur, puis nous faire, dans le but de nous contrôler. Contrôler, contrôler, contrôler. Mais comment on contrôle une population mondiale sans lui faisant peur, soit par le sanitaire, la maladie ou des dangers imminents? Il nous lâche plus. Ça doit, depuis que je suis au monde, Chris, j'entends la fin du monde va débarquer. Puis sinon, 61, tabarnak, lâche-moi, je suis capable. Ça pèse mon crâne que je dis. Et moi, je suis venue d'une génération des années 80, c'était la fin du monde. Il y avait des crises économiques avec des taux d'intérêt de 22 %. Là, en l'an 2000, là, on allait mourir de transition informatique. Avec Là, le on va bug dans 2000. mourir d'une pandémie. Moi, depuis que je suis au monde, on va mourir. Ça fait 60 ans que je vais mourir. J'ai hâte de mourir. Finalement, si, quand est-ce qu'on meurt? Mais à force de nous faire peur, on va éventuellement nous immuniser à la peur, dans le sens que, à force d'être exposé à ça, à toutes ces menaces-là, puis ces chantages-là, il va y avoir comme un effet de saturation chez certains d'entre nous. Oui, mais l'affaire, c'est que ça peut créer une indifférence touchée, ça. Il OK. y en a qui vont arrêter de réagir à la peur, comme toi puis moi, on a compris, là, que ça ne marche plus, cette affaire-là. Mais ceux qui n'ont pas l'intelligence nécessaire, ça finit par de l'indifférence. Oui, bon, un peu, ça. Ouais, Être indifférent, je pareil. comprends. Faut pas, c'est sûr, être indifférent par rapport aux gens qui souffrent, être capable d'empathie, mais sans pour autant embarquer dans la sympathie, c'est-à-dire être soi-même en état de souffrance et soumis à la peur. Ben, je dis ça parce que je vois beaucoup, ben, j'écoute pas beaucoup de Netflix parce que dernièrement, à chaque fois que j'essayais quelque chose sur Netflix, tout ce que je vois, c'est de la violence sans fin. Et des choses violentes. Moi, à chaque fois, je ferme la télé puis je dis, non, je veux pas écouter ça. Moi, je veux pas devenir indifférente à cette cruauté. Parce que c'est de la cruauté livrée en cinéma. Ouais, ben moi aussi j'ai le même problème que toi, c'est drôle parce que Netflix, je trouve qu'il y a beaucoup de sensationnalistes, films avec des scènes de violence gratuites, puis une espèce sadique. C'est comme si on réalisait que le temps que ça va. Oui, très bien dit. Ça, là, ça naît ça de la désensibilisation qu'il essaie de faire. Mais pas une désensibilisation que j'apprécie beaucoup. Moi, je ne veux pas me désensibiliser. Au contraire, je veux rester très sensible à ça parce que je trouve que c'est absolument débile. Voyons donc. À coup de marteau sur quelqu'un, la face toute ensanglantée, le crâne défoncé. Ben oui. Après ça, on va nous traiter de gorilles. Ben oui, je comprends. Je pense que les gorilles ne font même pas ça. Non, Après ça, exactement, là. c'est du contenu vide. C'est comme manger du sucre, des calories vides. Tu sais, on se nourrit de quoi? C'est quoi cette affaire-là? C'est pas du divertissement, c'est de la connerie. C'est de l'hypnotisme mental ou psychologique. Je ne sais pas comment l'appeler. Non, mais c'est ça, c'est de l'exposition à du matériel astral qui cherche à faire vibrer les gens de l'émotionnel, puis pendant ce temps-là, ben les gens sont pirésités au niveau énergétique. Terrible. Et ça, pour moi, ça atteint le système nerveux, pas à peu près. Bon, je m'arrête là. Non, c'est Peut-être bien. entendre ces choses-là, je trouve. Non, c'est ça. On entend beaucoup les gens parler de beauté parce qu'il y a tellement de laideur qui est mise en avant-plan que la polarité de la laideur, c'est la beauté. Là, on parle bien, regarde, on va embellir vos vies, rentrer dans vos. Je comprends. Mais en même temps, c'est des polarités, tu sais. Okay. Mais là, on a-tu débordé un peu, les amis? Je sais plus trop où Non, qu'on non, est mais rendu. c'est bien correct. Mais je voulais t'amener à parler, entre autres, par rapport à l'histoire du passeport vaccinal, là, ou passeport sanitaire en Europe qu'on a implanté depuis quelques semaines. Parce que, dans le fond, là, c'est une mesure de contrôle des gens, une ségrégation sociale qui est vécue présentement ouvertement. Donc, les vaccinés, les non vaccinés, il y a comme deux classes dans la société qu'on a installées, là. Et par rapport à ça, toi, qu'est-ce que tu penses qui pourrait amener une sortie de ça, là, de ce joug-là, là, du passeport sanitaire? Qu'est-ce qui pourrait amener une sortie de ça? Oui, de ce système-là qu'on cherche à implanter, là. Ben, c'est parce que moi, je constate qu'on est déjà sorti, même si on n'en voit pas les résultats. La passe sanitaire qui cherche à nous imposer, elle ne peut pas s'appliquer si ce n'est pas tout le monde qui participe, ben, David. C'est-à-dire que ça prend une alliance de tous les peuples du monde d'embarquer là-dedans. C'est impossible. Ça a toujours été impossible. Je ne sais pas pourquoi ils ont pensé ça de même. Ils se sont fait charrier par le culte, là, mais pense-y 2 secondes d'amener 8 milliards de personnes à penser pareil. C'est impossible. Non, c'est ça. C'est sûr que c'est impossible. Mais là, présentement, la façon que je vois ça, comme pour le transport. Bon, ben, quelqu'un va être obligé d'avoir la passe pour aller en Europe, la personne de l'Europe au Québec aussi, ensuite les États-Unis. La minute que quelqu'un qui sort du Canada est obligé d'être vacciné 2 doses, là, pour prendre l'avion, le bateau. Fait que là, il y a toute une structure comme nous enfermer ou nous séquestrer au Canada si t'as pas la passe, puis nous limiter dans les déplacements. Mais moi, j'ai l'impression que quand même plusieurs pays occidentaux, là, que ce soit la France, d'autres pays européens, de l'Union européenne, le Canada, etc., qui embarquent, là. Ben, c'est parce que là, présentement, ben, c'est les pays du G7 qui sont visés, hein, David, on sait ça. La question que tu poses, c'est moi ce que ça me répond, c'est qu'on en a pour encore quelques temps, mais ça passera pas, ça marchera pas, parce que justement, premièrement, les États-Unis vont débarquer de là, bidon, et excusez-nous, là, mais bidet, là, ben, pardon, bidon, biden, Biden! C'est une blague, c'est des blagues. Ben oui, ben c'est correct. Biden, il restera pas là. Il va y avoir beaucoup de développement aux États-Unis, puis c'est ça qui va changer. Je l'ai dit, on l'a dit il y a 19 mois, c'est juste qu'on est un peu en avance, là, c'est ça, la lecture Mais du. encore là, Baudot, je voulais te revenir sur Trump parce que. Ça peut, David, j'ai pas fini. C'est pas Oui. le Québec qui va sortir de la passe sanitaire, ni la France, les OK. Américains qui sortent de là. C'est nous qui allons gagner le prix de cela. Mais nous, on ne fait pas le combat. Ça se passe aux États-Unis. Donc, nous, on va bénéficier du résultat qu'ils vont avoir. Parce que les échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis sont trop importants. Ça ne pourra pas tenir, c'est ça que je dis. Juste ça. Non, je comprends, ça a beaucoup d'impact. C'est sûr qu'aux États-Unis, si on regarde la Floride, ces temps-ci, je regarde sur Facebook les reportages multiples que fait Samuel Grenier, là, qui est blogueur là, sur Facebook. Là, il est en Floride, puis là, il n'y a pas de mesures comme nous autres. Puis de ce que je comprends, c'est que les gens ne tombent pas comme des mouches non plus dans les rues, là. Donc, fait que là, ça crée comme une dissonance par rapport à nous autres qui est très encadré, très structuré avec le passeport, puis le ci, puis le ça. Eux autres, puis ça fait plusieurs mois, là, fait qu'on peut pas dire, ah, ben ça fait juste 1 ou 2 mois. Non, non. C'est pas Mais. juste la COVID dans cette condition-là. Il y a d'autres États aussi, hein, qui sont contre les trucs sanitaires. Oui, exactement, là. C'est sûr que si on prend le Texas, entre autres, ils sont plutôt opposés aux mesures. Hein, mais. Ça fait plusieurs mois qu'eux autres, justement, n'appliquent pas les mesures, puis il n'y a pas une hécatombe de ce que je vois là, en termes de chiffres. Là, ils ne sont pas dans une situation très critique, mais ça n'amène pas un changement de la donne au Québec, même si on est au courant de ça. Non, mais c'est pas les États-Unis, la Floride, David, là. Non, non, je Bon. sais que ce n'est pas l'ensemble des États-Unis, mais je veux dire, c'est quand même un État Non, significatif. mais ce que je veux dire, ce que tu vois en Floride, c'est l'avenir qui va s'implanter partout ailleurs dans toute l'Amérique du Nord puis l'Amérique au complet. C'est une question de temps. Mais il n'y a pas rien que la Floride, ça, je te dis. Il y a d'autres pays. Le Danemark a lâché ses mesures. La Suède a lâché. Il y a d'autres exemples, d'autres placebos dans le monde. Parce que les non-vaccinés, nous sommes les placebos des vaccinés. Puis les non-passes sanitaires sont les placebos de la passe sanitaire. Oui, Comme tu disais, exactement. Donc, on est le hein? groupe témoin en étant non Oui. injecté par rapport à ceux qui sont injectés. Ouais. Ça, ben, au niveau de la passe sanitaire, tu as un groupe témoin qui résiste, qui ne veut pas, Oui. puis l'autre qui veut l'implanter, mais c'est ça que je te dis, c'est ensemble ces deux groupes-là, mais ça passe pas, ça se passe. Là, on est dans un temps, il faut attendre, il n'y a rien à faire d'autre qu'attendre hein, présentement, que ça devienne plus évident tout ce qu'on dit. Ça commence à l'être, là, ça commence. Nous, on était trop en avance. Ce que j'ai compris de tout ça, c'est qu'on a lu. Pas rien que toi puis moi, mais tous les Oui. lanceurs d'alerte, on a quasiment eu 2 ans d'avance. Ben, c'est, je pense entre autres à Alexis Cossette-Trudel qui l'année passée, au mois Il d'août est en du... danger, hein, Alexis, présentement, en passant. C'est très important de le soutenir, les amis. Hein. Ben, c'est sûr qu'avec le reportage... Voilà, Oui, c'est sûr que dans le fond, Alexis, je veux juste dire que l'année passée, il annonçait l'implantation du passeport vaccinal au mois d'août 2020, puis il paraissait comme étant complotiste. Puis à peu près un an après, ça s'est réalisé. Puis là, ils nous annoncent d'autres choses. Puis curieusement, avec Jean-Jacques Crèvecœur, il y a eu un reportage récemment en TVA qui les accusait d'être des gourous au Québec, là. Et que c'est dans... Ouh! Comment? Elle est bonne en Grèce! Non, non, mais Jean-Jacques, je peux comprendre, toi puis moi, on se comprend. Jean-Jacques, il y a un petit côté gourou. Mais Alexis, pas du tout. Alexis, c'est un politicologue. C'est un homme instruit d'une façon politique, économique. Fait que lui, là, juste le fait d'exister et d'avoir une critique, pensée critique sur ce qui se passe, il passe pour un gourou pour le faire. Mais On lui, verra. dans le reportage avec Denis Lévesque, il y avait quelqu'un qui, dans le fond, fait la surveillance des mouvements sectaires et dérives, qui disait qu'il avait relayé de l'information en lien avec QAnon. Puis c'était sur cette base-là, entre autres, que c'était pas de l'information scientifique ni rien, c'était des croyances. Puis là, il dit que ça pouvait amener, de ce que je comprenais, là, des espèces de dérapages sociaux. Ah ouais, puis les journalistes avec les hosties de marde à faire créer de la haine dans tout ce qu'ils disent, ça n'a pas d'impact, ça. Puis ils ont le droit, eux, de continuer de dire ce qu'ils veulent, mais nous, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Il faudrait se comprendre, là. On a-tu un droit de parole libre ou bien ça dépend rien de qui décide de qui parle? Parce que j'ai pas écouté Jean-Jacques Crèvecœur, puis j'ai pas entendu ce qu'il a dit à Denis Lévesque. Je suis pas capable de le voir en peinture, j'y arracherai la tête. Fait que je peux pas le regarder. Je suis pas capable. Je ne suis juste pas capable de voir la face à la TV, encore moins de l'entendre. Fait que je l'écoute pas. Fait que je sais pas ce qui a été dit, mais je sais c'est quoi leur plan. Puis tu le sais qu'ils veulent tout faire pour inverser les choses. Fait qu'ils vont faire. Moi, je comprends. Ce que je comprends pas saisir, c'est que ce que Jean-Jacques Crèvecœur est allé faire là. Bien, en fait, il n'a pas passé à l'émission, puis Alexis Cossette non plus. C'est que dans l'émission, qui dure à peu près 15 minutes, je partagerai le lien en bas de la vidéo, c'est Vas-y, que le journaliste de TVA a pris des extraits, entre autres de Jean-Jacques Crèvecœur. Et Jean-Jacques Crèvecœur, ben là, c'est sûr qu'il va accuser, là, dans le fond, les médias, le gouvernement. Puis là, il disait aux gens qu'il faudrait les terrasser. Puis là, il dit, regardez, là, il dit des propos complotistes, mais j'ai l'impression que ça a été sorti hors contexte. c'est clair, c'est ce qu'ils font. Ils font que ça, sortir hors contexte tout ce qui est dit. Mais peu importe ce qui est dit, eux autres, ils se remettent en question sur ce qu'ils disent. Martineau, il a agacé depuis 18 mois. Si ce n'est pas de la haine qu'il propage en nous traitant de Mais à ce COVID-19. niveau-là, ce que j'ai aimé dans la vidéo, c'est celui qui fait la surveillance des dérives sectaires. Il disait... parce que Jean-Jacques, voyons, Denis Lévesque a posé la question, ouais, mais comment amener quelqu'un à sortir de l'endoctrinement sectaire, là, complotiste? Mais il dit, il va falloir que les gens arrêtent des traités de covidiots, d'édentés, etc. Parce qu'en faisant ça, vous amenez les gens à se braquer. Fait que là, je trouvais ça pas bête d'arrêter de les insulter. Fait que ça a été un message qui a été intéressant pour justement toute la gang Martineau, Lagacé qui traite d'indentés, là, toutes les gens qui vont pas dans leur sens. Ben, moi, c'est pas rien qu'ils traitent d'édenté, c'est qu'ils informent pas. Moi, ça sert à dire que tu es un idiot, mais sur quelle base je me dis que tu es idiot? Ben, moi, je vous le dis, sur la base que ça fait 75 ans qu'on sait qu'on va shoot personne en épidémie, puis que Chris, la première affaire qu'on a appris qu'on fait pendant une épidémie, c'est de shooter tout le monde. La dernière chose à faire, on le fait. Ben là, c'est rendu là, qu'est-ce que je te dise, là, c'est de la désinformation, c'est ça. Sais-tu que ça me rappelle une phrase de Bernard qui disait, un jour, les gens vont avoir tellement d'informations qui vont venir de partout, puis de désinformations, que s'ils n'ont pas de centre, ils sont dans la marde. Nous y sommes. Oui, parce qu'ils peuvent pas évaluer par eux-mêmes les choses. Puis même, il faut être très centré pour sentir qu'il y a quelque chose, tu sais, ça, mettons, tu sais, quand j'ai découvert, ça fait longtemps que je sais que c'est une game qui se joue. Au début, j'ai embarqué dans le COVID un peu, mais très rapidement, on a compris qu'il se passait quelque chose. Oh, j'ai perdu le fil. J'ai de la misère ces temps-ci, les amis, je m'excuse, j'ai vraiment. Il n'y a pas de Mais c'est problème, parti. Mono. On parlait d'être centré. Oui, l'importance de rester connecté à soi. Mais comment dirais-je? Au début, j'étais pas claire comme ça l'est là, mais je sentais que ça n'a pas d'allure ce qui se passe. On le sent, même si on n'a pas de mots, même si on n'est pas capable de le définir clairement comme on l'exprime intellectuellement présentement. Fiez-vous à ça. C'est bien plus important que de comprendre. Je sais pas si tu saisis mon message, David. Moi, je trouve qu'il est plus important de vibrer et sentir ce qu'on a à sentir sans rien comprendre. Pas obligé de comprendre. Non, exactement. C'est travailler à partir de la vibration, même si on ne comprend pas nécessairement sur le plan intellectuel, là, toutes les données là, pharmacologiques et ces choses-là. Oui, parce que c'est après qu'on comprend souvent notre mouvement. En tout cas, moi, je me suis jamais empêchée de sentir mes affaires puis d'écouter mon senti. Puis c'était drôle, tantôt, Pierre, un ami, il me disait, comment tu fais pour ça fonctionner? Tu sais, comment tu fais pour savoir que l'information est bonne ou pas bonne? Puis j'ai répondu, je m'en crisse de qui me parle dans mon canal. Si je suis pas bien, ça s'arrête là. Puis si je suis bien, je continue avec. Exactement. C'est ça, moi, qui m'a fait travailler dans ma vie. Je suis bien? Je suis pas bien? C'est une question fort simple. Tu sais, les gens, des fois, on est perdus dans tout ça, là. Ramenons-nous à l'essentiel. C'est que moi, si l'événement se présente à moi, n'importe quelle information est un événement ou une personne. Si ce qu'elle m'amène, la personne ou l'information, je suis pas bien, ça me fait une tension. Je te dis que ça dure pas longtemps. Moi, ma game, c'est de couper la souffrance. Le plus vite possible. Donc, c'est simple de gérer nos vies de même. T'es-tu bien? Continue. T'es pas bien? Regarde-les. Et corrige. Exactement. Mais je corrige pas les autres, je corrige mon âme. Mon âme se déplace, change de direction. Ou, t'sais, C'est ça, mais sinon les autres, à travers l'événementiel, vont vivre certaines corrections advenant qui soient erronées ou dans des croyances qui ne tiennent pas la route. Ils vont avoir des chocs de réalité. T'sais, si la personne elle se fait injecter une substance, puis c'est pas bon pour sa santé, puis n'est pas capable de faire preuve de discernement, ben c'est sûr que la personne qui se ramasse avec des problèmes cardiaques le reste de sa vie avec des myocardes, ben elle va peut-être s'en rappeler. Mais plus doux que ça un petit peu, mon conjoint s'est fait vacciner, premier vaccin. OK. Il me le dit pas, parce que lui, un autre qui a peur de moi. Comment c'est écœuré de l'entendre celle-là. Là, j'ai eu quelques semaines, je le vois aller, puis il dort beaucoup. Puis il dort, puis il dort, puis il arrive de travailler, puis il dort. Il fait toujours mon chum, il est vietnamien, il a l'habitude des siestes, hein, 30 minutes. Mais là, c'est plus des 30 minutes, il est couché, il arrive à 18 h, il va à 19 h 30, 20 h, il dort encore. Puis il dort. Puis là, il mange à 22 h. Puis là, même là, j'ai dit, coudonc, toi, là, t'es fatigué, c'est pas ordinaire. T'es-tu fait vacciner par hasard? T'aurais ri, mourir, David. Vous auriez ri. Il peut pas me mentir, mais il peut me cacher. Fait que il me dit, oui. Hein? J'ai dit, ah, c'est le fun, j'ai pas su ça, moi. Que je lui réponds. J'ai dit, mais tu m'as caché ça? Il dit oui. Il dit pourquoi? Il dit, je voulais pas avoir à négocier avec toi. Écoutez ça. Puis c'est mon chum, là. Ça veut diviser, hein? Fait que là, je regarde, je dis, moi, j'ai dit, j'en ai rien à foutre que tu te fasses vacciner. Je comprends pas que tu aies peur de mon opinion. Mais je veux être informé, par exemple, parce que si tu es vacciné, puis il y a des conséquences, que quelqu'un qui est vacciné dans ma vie, je veux le savoir. Minimalement. Fait qu'il a convenu. Mais ce que ça a fait, parce qu'on n'est pas d'accord sur l'approche qu'on. Moi, ce que je dis là, avec vous autres, mon chum, il trouve que je délire un peu, hein, en passant. Mais je m'en fous qu'il pense de moi, je délire. Hein, Mais parce que moi. t'es pas la seule, dans le fond, mon nom. Il y a des gens de mon Non? entourage qui sont injectés. Si je pense à ma compagne, là, qui depuis le mois de septembre est injectée 2 doses. Elle m'écoute, est un peu ouverte à ce que je dis. Je lui dis, regarde, là, la prochaine étape, ils vont te demander une 3e dose. C'est ça. Fait que là, je présente l'agenda, puis tu sais, puis là, elle me dit, ouais, il me semble que ça n'a pas de bon sens, l'histoire du passeport sanitaire, le contrôle, puis l'idée d'être injecté régulièrement aux 6 mois. Fait que, tu sais, j'ai des propos, c'est comme si ça sème un peu une graine, puis moi, dans le fond, qu'elle soit injectée ou pas, c'est sa décision personnelle, moi, je suis pro-choix. Mais, Exactement. c'est ça, mais là, je t'ai coupé un peu, mais toi, par Non, rapport. ce que tu veux dire, c'est que chacun, moi, je ne veux pas embarquer dans la guerre, ça c'est clair, Oui. mais je vois que lui a son rythme. Mais en lui parlant comme ça, ce que ça a fait, David, c'est qu'il a réalisé, j'ai dit en tout cas, j'ai dit, moi, je vais juste te dire que je t'ai jamais vu dormir autant que ça depuis. Pourquoi je t'ai posé la question, Taille? C'est parce que je vois bien qu'il y a un changement dans ton attitude. Je suis pas épaisse à ce point-là, tu sais. Et que là, il a fait comme, oui, mais j'ai dit, tes siestes, c'est plus 30 minutes, c'est 2 heures. Puis j'ai dit, c'est une des conséquences de la vaccination, c'est une grande fatigue. Ben, il n'est pas allé à la deuxième dose encore, hein? Et hop, ça se met. Mais c'est ça quand toi, ta blonde, a suivi une autre démarche. Il y a plein de gens comme ça. Hier, j'étais dans le rassemblement, David, avec le samedi, il y en a eu à Montréal. J'étais allée avec une amie. Il y a une dame à côté de moi qui est très isolée, qui se met à pleurer. Je la connais pas, là. Elle se met à pleurer. Je me tourne, puis je dis, mais ça va? Elle dit, non, ça va pas, mon mari, ça va se faire vacciner. Écoutez ça. J'en ai des larmes, tellement ça me touche. J'ai pas eu pitié d'elle. J'ai pris le temps de parler avec elle pour la rassurer un peu, parce que je voyais bien qu'elle allait s'effondrer, pour petite madame, elle était complètement, tu sais, pleurer dans les bras d'une étrangère, faut être mal pris, là. Fait que j'ai juste tenu dans mes bras quelques instants, puis j'ai dit, vous savez, on n'en meurt pas tous, madame, inquiétez-vous pas de ça, il n'y a pas tant de morts que ça, de ça, votre mari a encore une chance, là. Tranquillement, ça va sortir la vérité. Tu sais, de calmer le jeu. Écoute, la madame était super contente, elle est repartie, elle était de bonne humeur, elle a dit, merci, vous avez été très gentil. J'ai dit, non, c'est rien, c'est rien. Après, on est parti. Les gens ont à vivre cette étape-là, je sais pas si tu saisis, cette dame-là vit un choc terrible, son mari aussi probablement, c'est dans nos familles. Mais nous, notre job, c'est de rester très centré Exact. et en paix. Jamais la guerre va rentrer chez nous. Ça essaye. J'ai un petit peu d'expérience quand Non, même. c'est sûr que l'astral peut essayer de rentrer, mais c'est à nous autres, justement, de rester centriques. Puis je pense que c'est le défi par rapport à la situation actuelle qui est très polarisante. Et puis, en lien avec ce que tu disais, ça me faisait penser par rapport à ton conjoint Thaï, à mon voisin. En fait, lui s'est fait vacciner et par la suite, 3 semaines après, je lui parlais, puis il était plus fatigué que d'habitude, moins d'énergie. Mais c'était de voir est-ce que cette fatigue-là est temporaire le temps que la personne fait les anticorps quelques jours après ou c'est permanent? Donc, est-ce que Thaï aujourd'hui est encore autant fatigué plus de 3 semaines ou un mois après? Non, Non. là, il fait des siestes de 30-40 minutes. Bon, Il a c'est revu. redevenu à la normale là d'avant là. Il a pas eu 2 doses. Moi, ça me dit que c'est progressif, hein, dans le sens que une dose, 2 doses, ils sont pas débiles, ça. Ils savent où est-ce qu'ils s'en vont. C'est pas première dose, deuxième dose. Ça va en prendre quelques doses. Il y en a déjà qui meurent de ça puis qui réagissent. Il y a beaucoup d'effets secondaires. Il y a des morts, mais il y a beaucoup plus d'effets secondaires importants présentement. Que des morts, mais ça sent, c'est ça, un moment donné, là, 4 doses. Ça, je dis à mon chum, j'ai dit, ça s'arrête tout, puis j'ai dit, en un an, 2 doses maintenant, puis là, il t'annonce, puis en passant, c'est pas une dose aux 6 mois que Fauci a annoncé, c'est une dose aux 4 mois, c'est 3 par année. Oh, tu vois, ça, je n'étais pas au courant. C'est 3 par année, plus les 2 qu'il vient d'avoir. J'ai dit, toi, tu vas avoir eu 5 vaccins en un an. On sait même pas les effets de ça, mon amour. J'ai dit, je te souhaite bonne chance. Puis j'espère que ton assurance vie est à mon nom. Ben oui. Je le sais que j'ai. En passant, les gens, des fois, ils disent hey, t'es frette. Vous avez pas idée comment je peux être froide. Même mes enfants, j'ai un garçon vacciné, là. Pharmacien double vaccin. J'y peux rien s'il meurt. Il est dans l'âge, il peut être touché, lui. Non, exactement. Là, surtout que j'avais vu des données statistiques. En fait, c'était par rapport au vaccin Pfizer sur le site de la FDA. Ben là, c'était des jeunes. C'était 12 à 18 ans que le risque, les jeunes garçons en particulier, plus de myocarde plutôt Exactement. que les femmes. Donc, problème cardiaque d'inflammation. Mais c'est ça, c'est qu'il y a des gens dans mon environnement, j'ai des connaissances. Je pense entre autres à. Bon, je ne veux pas nommer de nom, là, mais je suis entouré de gens qui sont injectés. Il y en a présentement qui n'ont pas nécessairement d'effets secondaires importants. Par contre, c'est le cumul des doses. Et je voulais t'entendre là-dessus, parce que j'avais lu un article intéressant de Michael Thomas. Il parle de conscience supramentale. Puis, un des scénarios de ce que j'ai compris en allant sur son site, là, il y a un blog où il écrit plusieurs textes, c'est que c'est le cumul des doses qui, de ce que je comprends, là, pourrait affaiblir progressivement le système immunitaire. Puis, à faire en sorte que dépasser un certain seuil, bien là, c'est ça, les gens, un peu comme, mettons, quelqu'un qui va mourir là, du VIH-SIDA, bien, c'est parce qu'il a attrapé une maladie rare, une pneumonie ou quelque chose qui, normalement, il aurait combattu, mais comme le système immunitaire est à terre, bien, c'est ça qui va être amené. Puis là, de ce que je comprends d'un scénario possible, c'est qu'on va dire, ah, c'est parce que là, le virus de la COVID a muté, là, puis là, c'est une forme plus grave. C'est pour ça que les gens meurent, puis de tous les âges. Ouais. Mais ça me fait penser à l'embaumeur. L'avais-tu vu, la vidéo de l'embaumeur en Angleterre? Okay. Ah oui, le monsieur qui faisait des... Mais j'ai pas tout compris. Mon anglais, des fois, je dis que je suis blédin des non-bilingues, là. Ouais, j'ai vu un anglais qui a fait une sortie sur les autopsies qui disait quoi, hein? Vas-y, t'es oui, bien, je vais le résumer en quelques minutes pour les gens qui nous écoutent. Okay. C'est que lui disait, dans le fond, qu'à l'origine, bon, on lui amenait là, des cas qu'on disait qu'ils étaient morts de la COVID, donc au début de la crise, et c'était des personnes âgées. Et bon, probablement qu'il y en a qui seraient morts de d'autres choses. La personne pouvait avoir un problème cardiaque ou était atteinte d'un cancer. Puis là, ah, COVID. Fait que là, il les embaumait. Puis là, il dit, c'est curieux, à mesure que les gens commençaient à être vaccinés, puis à mesure que, curieusement, il y a des morts de COVID qui apparaissaient dans ces tranches d'âge-là. Fait que là, au début, c'était les 70 ans et plus qui étaient vaccinés, population plus vulnérable. Ensuite, tranquillement, au fil des mois, ah, c'est drôle, il y a des 40 ans, 50 ans qu'on dit qu'ils sont morts de la COVID. Puis il dit, la prédiction que je vous fais, si ma théorie se tient, c'est que dans les prochains mois, à mesure qu'on va vacciner des enfants, curieusement, on va avoir des enfants là qui vont se mettre à mourir de la COVID. On va dire ça. Ça me semble. Fait que lui, il disait que c'est probablement que les gens sont décédés des effets secondaires de la vaccination et que les autorités publiques ne voulaient pas le reconnaître. Puis là, il utilisait la COVID qui avait le dos large, qui servait de prétexte pour camoufler ça. Puis c'est sûr que si sa prédiction se réalise, bien, on va le savoir dans les prochains jours. Tu sais, si on voit que les 5 à 11 ans sont vaccinés, puis curieusement, quelques mois après, on dit « Ah, là, c'est rendu la COVID, le virus est rendu tellement méchant avec les mutations que là, il y a des enfants de 5 ans qui se mettent à mourir de ça. » Alors que ce n'est pas le cas au début de la crise. Ben moi, ça me dit que oui, ça a du sens, ça. Mais je suis comme pas très clair. Moi, j'ai pas tendance à faire de la clairvoyance sur okay. L'avenir. Mais oui, ça a du sens que ça prenne cette forme-là présentement. Puis ça me parle aussi de beaucoup de ce qu'on a parlé, les petits bébés naissants. Ça va être un des volets les plus marquants de tout ça. On va voir. C'est ça qui va éveiller le monde, puis ça va passer par les femmes. Les femmes vont se rendre compte de ce qui se passe. Celles qui accouchent de petits bébés fuckés, là, eux autres, ils savent qu'ils ont été vaccinés. Dans le monde, il va y avoir beaucoup de petits bébés atteints. Mais moi, ce que j'ai l'impression, puis c'est sûr que sur le plan humain, ce qui me fait de la peine, c'est que moi, c'est sûr, au niveau spirituel, j'aimerais ça qu'il y ait un moratoire sur la vaccination tant aussi longtemps qu'on n'ait pas identifié pourquoi justement qu'il y a des enfants comme ça. Qu'il y a un moratoire sur la vaccination des femmes enceintes ou des enfants en bas âge. Puis moi, j'ai l'impression qu'on s'apprête à faire une erreur monumentale en continuant de vacciner les femmes enceintes dans les prochains jours, puis également les enfants de 5 à 11 ans. Oui, je suis d'accord qu'on fait cette erreur-là, mais on va la faire. On va la faire. Faut la faire. Faut aller dans le trou, dans le fond de la boîte à bois, comprends? C'est ça que je te disais tantôt, David, on va aller loin. On n'est plus juste sur le bord du précipice, on est dedans, là. Bien, c'est ça, il est quasiment minuit moins une là, pour l'injection des 5 à 11 ans au moment qu'on fait l'enregistrement. Là. Non, il n'est plus minuit moins une, oubliez ça, ça c'était il y a un an. Là, okay. Il est minuit quart. On est passé, on est dedans. On est en plein milieu de la tempête, puis on n'est pas sorti. Ça va sortir, t'sais, c'est un peu comme une tempête, un ouragan, on est au milieu. Là, mm-hmm. Tu vois, on sent qu'il y a comme... On est comme en suspension quand on... T'as-tu déjà été dans le milieu d'un ouragan? Moi non, là, mais moi j'ai non déjà plus, vu. Là, mais c'est ce qu'on a vu là, dans des certains films, là, qu'au cœur de l'œil de l'ouragan, là, les gens sont comme... À... C'est là qu'ils courent après ça. Là. Bon, en tout cas, bref, on le voit, il y a, oui. Au centre, il n'y a rien qui se passe mm-hmm. un certain temps. Ben, moi, je considère que nous sommes là présentement comme la Terre, on est au centre d'une grande tempête. Là, okay. On sent qu'il n'y a pas grand... Il n'y a rien, là, tu sais. Mm-hmm. Qu'est-ce que... Mais à un moment donné, ça va tout éclater. Puis ce qui va éclater, bien, ça va être c'est ça, les morts de bébés, les morts de ci, les petits, des jeunes, ça va toucher les jeunes. Puis les gens vont devoir s'éveiller. C'est une question de temps. Il faut que ça touche un petit peu plus les gens. Tu sais, il n'y a pas grand changement qui se fait tant que ça ne touche pas nos fonds de culotte, hein? Exactement. Fait que c'est sûr que tant que les gens ne sont pas personnellement impactés, il n'y aura pas de réaction. Mais je pense que la pire des choses, ça va être, admettons, à une femme enceinte qui perd son bébé ou qui, soit qui est mort-né ou qui vit quelques mois ou qui a des séquelles graves. Tu sais, l'enfant qui a des problèmes cardiaques le reste de sa vie ou est immunosupprimé, il faut qu'il s'isole le reste de la vie pour ne pas attraper des maladies rares. La facture humaine est extrêmement lourde à payer, là. Le prix quand on dit qu'il y a un nouveau monde qui s'en vient, il va y avoir beaucoup d'handicapés dans ce nouveau monde-là à prendre soin. Je blague pas, les amis, en passant. Oui, ça va être le prix à payer, mais ça a l'air qu'il y a déjà des antidotes, en tout cas. Regarde, tu vois, ça me dit, il y a quand même des antidotes qui existeraient contre ces câlisses de vaccins. Ah, oh, mais pour moi, ça, c'est de la divination, puis je n'embarque pas là-dedans. J'ai coupé, hein, je te l'ai dit, David, je ne veux plus aller dans la canalisation. J'étais capable de vous. Tu sais, les annales akashiques, il ne faut jamais oublier que ce qu'on vit ici, c'est le passé. Fait que j'aurais pu continuer à développer mon canal de clairvoyance que j'ai déjà eu assez solide, d'aller lire dans les annales akashiques, mais ça ne m'intéresse plus, ça. Je ne veux plus aller là. Non, non, ben c'est bien correct. Mais juste pour en revenir, moi, ce qui me Mais comptait. monsieur, ce qu'il fait, lui, c'est de la clairvoyance, c'est ça. Excuse-moi, qui? Monsieur Thomas, là, celui que tu parlais, là, Oui. pour moi, c'est clairvoyance. Il est allé lire dans les annales akashiques. C'est correct, je n'ai rien contre. C'est juste que moi, je ne veux plus toucher à ça, c'est pas pareil. Puis, dans le fond, de ce que je comprenais du scénario, ben, je le trouvais intéressant, là, c'est-à-dire qu'à mesure qu'il va y avoir des doses d'injectés, à mesure que le système immunitaire de plein de personnes va diminuer, puis à un moment donné, ils vont avoir un point de bascule où les médias ne pourront plus cacher la vérité des effets secondaires sous le tapis en disant « Ah, c'est anecdotique, tu sais ». Pour discréditer les gens à mesure qu'ils vont en avoir. Fait que là, il va y avoir comme une masse critique qui va être atteinte. Puis là, les gens vont vivre la grande désillusion par rapport au gouvernement puis aux médias qui les ont désinformés. Mais quand ils vont être rendus à ce stade-là, c'est que les effets vont être tellement importants qu'il va être comme trop tard pour revenir en arrière. Puis là, il va y avoir comme une espèce de ce que je comprends. Comment? Revenir en arrière, en Mais arrière. c'est-à-dire qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Les gens qui sont injectés, là, tu sais. Ils vont en composer avec une condition médicale. Puis le point, c'est qu'il va y avoir une grande désillusion. Puis là, les gens, là, ils vont sortir de la naïveté, un peu comme quand on s'est sorti de la naïveté par rapport à la religion catholique, là. Et on a vécu des chocs importants. Tu sais, la femme enceinte qui se faisait dire, ah, un enfant chaque année, puis elle meurt. Tous des chocs de vie comme ça, j'ai l'impression que ça a été au niveau, non pas de la religion, mais de la croyance aveugle en Big Pharma puis aux médias, là, qu'on va sortir de cette illusion-là au Québec, là, dans les prochains mois. Oui, ça a du sens. Prochain mois. C'est assez court. Mais moi, je me dis 2023, là, c'est vraiment le Ben, top. justement, qu'est-ce que tu penses de Richard Glenn depuis environ 40 ans qui nous parle de rendez-vous fin février 2023? Oui, je pense qu'il dit la même chose que Ménard, puis que bien d'autres. Moi, Glenn, je l'écoute pas. Je suis OK. désolée. Je ne sais pas ce qu'il dit, Richard. Ça me dit 2023, mais Ménard m'avait parlé aussi. C'est pas Ménard, il le dit dans plusieurs de ses auditions, de ses vidéos. C'est pas des vidéos, c'est des audios, lui. Oui, ces enregistrements audio, de ce que je comprenais, c'est qu'on était entré dans l'apocalypse, puis là, c'était en lien avec l'astrologie, là, c'est sûr. Et puis ça commençait, en fait, il y avait comme un point critique en 2020. C'était 2023 ou 2026, là, je ne me rappelle plus de la date, mais il y avait comme une période critique, là, où est-ce que toutes les institutions sociales allaient être bouleversées, là, le volet Capricorne qui allait être bouleversé là, par... Je crois que c'est 2023 qu'il disait, OK. David. Il faudrait que je demande à Chantal Vio qui était proche de. Il y a Chantal qui était proche de lui. Je pourrais demander. Mais Daniel était assez. C'était quand il disait ça, là, en passant, c'était dans les années 2020. Hein? Bien, il avait annoncé la date de c'était janvier 2020, là, je m'en rappelle, parce qu'il avait marqué sur son site web plusieurs années à l'avance, vers 2010, dans ce coin-là, il me semble. Ouais, en tout cas, il a annoncé ça bien d'avance, c'est C'est ça que j'ai ça. dit. Puis je suis obligé de J'étais dire qu'il y a des choses qui concordent, là, parce qu'il disait que c'est une période en lien que l'entrée dans l'ère du Verseau, que les technologies à se développer. Puis c'est sûr que la crise sanitaire a amené une effervescence en termes de développement technologique, là, avec la formation à distance, le télétravail, toutes ces choses-là. Puis ça l'a amené aussi, ça l'a obligé beaucoup d'éveils sur la planète. Faut jamais oublier que, bah, si on le regarde vraiment purement occulte, on sort du côté politico-économique, là. Oui. Si on regarde ça occultement, on comprend très bien à quoi sert cette expérience-là. C'est nécessaire. Quand on dit qu'il faut vivre nos vies pour intégrer, bien là, on le vit collectivement. Bien, c'est sûr que c'est nécessaire pour brûler la croyance de vivre un choc important. Par contre, la question que j'ai, est-ce que le choc, quand même, mettons une mère de famille qui a jamais eu de problème avec le gouvernement, une société relativement riche, puis le gouvernement dit fais-toi injecter, puis si l'enfant a des problèmes graves, elle va la vivre. C'est des illusions à peu près par rapport au gouvernement. Oui, effectivement. Mais moi, je pense que ça passe par les femmes. C'est un peu pour ça que je te dis ça. Ça va passer par les femmes, l'éveil, la finale de la chose, parce que les femmes qui accouchent, même si on leur dit pas, ça cause de la vaccination ou pas, ou qu'on les laisse lui dire, mettons, si mettons la dame, elle accouche, puis on veut que son enfant ait un petit problème, mais elle sait qu'elle s'est fait vacciner. Je suis sûre que les femmes ont connecté, même si on essaie de leur mentir. Oui, mais moi j'ai l'impression en effet que la sensibilité de la femme ou les hommes qui ont une sensibilité féminine aussi, donc des hommes plus de type yin que yang, là, il y en a certains, puis moi-même à un certain niveau, ben je me vois un petit peu là-dedans, là, dans le sens que je m'intéresse à des trucs de l'esprit, l'intuition, puis ces choses-là. Ouais, mais une femme connectée à son ventre, c'est bien différent d'un homme, même s'il est très sensible. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Ça n'a rien à, ça a pas rapport avec la sensibilité de l'homme, petit H, là. Oui. Cette connexion que les femmes ont que l'homme n'a pas. De son la femme est plus près de l'occulte que l'homme, David, initialement. Oui, Donc, la femme mais je comprends peut. dans le sens que dans le fondement de la femme, c'est le principe intuitif, réceptif, alors que l'homme, c'est un bâtisseur ou quelqu'un qui construit dans la matière ou qui est actif. Exact. Fait que c'est les femmes qui vont réellement, puis de toute façon, c'est plus les femmes qui se sont levées dans le monde présentement sur la Troisième Guerre mondiale de l'information que les hommes. Il y a plus de femmes dans les rassemblements que d'hommes. Par contre, en termes de lanceurs d'alerte, je vois C'est un plus. peu plus de figures masculines que féminines, tu sais. Oui, parce que c'est les leaders, l'homme en avant. Ce qui est correct, c'est le bataille, c'est le. J'aime pas dire le guerrier, parce qu'une femme peut être guerrière. C'est l'aspect plus bâtisseur de l'homme, le côté plus physique de l'homme qui se présente. Mais c'est parce qu'il y a 25 femmes en arrière. Mais il ne sera pas une femme en avant, c'est vrai, c'est intéressant. Ben, il y en a une, Amélie Paul, là, elle se fait massacrer d'ailleurs. Oui, elle se fait fortement critiquer, là, c'est sûr, comme Guylaine Langteau aussi, qui est opposée aux mesures. Elle s'est fait traiter là, de gourou de secte à Denis Lévesque récemment. Ben, la douce encore lycée parce qu'elle a perdu elle a écrit son livre il y a 40 ans, puis elle a perdu sa licence de médecin pour s'être fait mettre en prison, puis elle s'en crisse hein, de ce qu'il pense. Ah, ben elle a beaucoup d'identité, cette femme-là, là, tu sais. Je pense pas que ça l'empêche de dormir, là. Sans doute! Exactement, exactement. Yes! Ouais. Encore yes. Fait longtemps qu'elle est détachée de. Elle ne dépend pas d'eux autres à aucun niveau, cette femme-là. Elle ne paye plus d'impôts, elle n'existe même plus. Elle n'est même plus dans les papiers civils. Guy, ça n'a même plus de numéro d'assurance sociale. Au cas que vous ne le sachiez pas, je vous le dis. Guy n'existe plus dans notre système. Elle est sortie du système, c'est ça qu'elle dit. Exactement. Elle est sortie du système, elle n'existe plus. Oui, et puis là, c'est Elle doté ne peut pas d'un avoir autre de système. passeport non plus, hein, parce Comment? qu'elle n'existe pas. Elle ne peut pas avoir de passeport, elle n'existe pas. C'est ça, mais là, elle est gardée captive au Québec, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas aller en France ou dans d'autres pays, là. Ouais, c'est là où je dis qu'elle n'est pas si libre qu'autant qu'elle dit. Parce que moi, la liberté, parce que là, ça défend la liberté disant je suis souveraine. Mais moi, pour être souveraine, il faut que je puisse me déplacer comme je veux. On va pas être pogné avec un système qui m'oblige à rester chez nous. Non, exactement. Fait que c'est sûr qu'on peut être libre dans l'esprit, dans le sens qu'on est souverain, dans le sens qu'on ne met pas aucune force au-dessus de soi, puis on autorise notre rapport avec le culte si on le prend au niveau supramental, que ce soit des entités astrales ou le gouvernement ou les plans éthériques. Mais à part cette liberté-là psychique au niveau de la tête, c'est dans le concret, c'est là le point, c'est que moi je me sens gardé en otage au Québec, donc dans le sens Nous, que. je suis d'accord. C'est ça, dans le sens qu'on me dit, ben là, regarde, toi, t'es pas double injecté, là, donc dans les prochains jours, là, tu pourras plus, au niveau Canada, sortir du Canada par avion, par bateau. Donc, je suis séquestré ici comme un prisonnier alors que j'ai pas commis de crime. Tu sais, quand tu regardes ça traditionnellement, quelqu'un qui pouvait pas aller aux États-Unis ou franchir la frontière, c'est parce qu'il était bloqué par le douanier qui détectait que bon, il y a un casier judiciaire. Alors que moi, j'ai pas de casier judiciaire, puis on va me dire, ben regarde, t'es pas double injecté? Non. Tu peux pas aller aux États-Unis cet été faire ton voyage. Non, non, à partir de demain, tu ne peux plus sortir du Canada sans être vacciné. Tu Double sortiras vaccin. du Canada. Ouais. Puis là, j'allais dire double vacciné, mais ça va être probablement l'appellation adéquatement vacciné. Puis là, quand il va y avoir trois doses, quatre doses, là, ça va te prendre ça pour pouvoir sortir, tu sais, être adéquatement vacciné. Probablement qu'ils vont utiliser ce concept-là pour que les gens soient injectés massivement, là. Je ris parce que j'étais en train de configurer, j'étais quasiment en train de souhaiter que. C'est pas fin, là, ce que je vais dire, bouchez vos oreilles. Là. Je suis quasiment en train de souhaiter qu'un pilote d'avion pète une crise de cœur et en tue 750 d'un coup. Suite à la vaccination. Ah, mais là, ils vont essayer de dire, ah, ben, c'est pas le vaccin, ça doit être autre chose, ou gna gna gna. Quand les gens sont morts de la COVID, c'est très facile de faire le lien épidémiologique Ah ou de la oui, tout le cause. monde. Ça, c'est clair. Ça, c'est ça. Mais quand c'est par rapport au vaccin, que c'est un incident vaccinal, ça va être le plus complexe possible et imaginable possible si l'incident est rapporté. Mais rien que ce que tu dis, c'était Jean de Floride que j'avais écouté qui parlait, c'est un lanceur d'alerte, puis il disait. Je pense que c'était en Angleterre ou en Europe qu'en haute altitude, au niveau problème cardiaque, il y avait même une compagnie d'aviation qui ne voulait pas que les pilotes d'avion soient injectés parce que ça pouvait nuire à leur santé puis amener justement des incidents comme tu pourrais le décrire. Là, à un moment donné, l'avion il crache ou quoi que ce soit parce que le pilote a un malaise cardiaque important, puis c'est le copilote qui est injecté aussi, puis les deux sont dans le pétrin. Ben, je veux dire, c'est une des. Mais en tout cas, je savais pas que c'était déjà arrivé. Jean de Flore, tu parles de Jean de Oui, Jean de Flore. Flore, oui. J'ai déjà suivi, je l'aime bien aussi, une analyse politique et économique très intéressante. Oui, effectivement, ben, tu vois, c'est le même genre de scénario que je voyais apparaître dans mon esprit qui peut arriver. Sais-tu qu'est-ce que ça me dit? Les conséquences vont être aussi grandes que le déni de l'humain. Ah, on a eu ça dire ça, excusez-la, madame, Non, non, monsieur. mais c'est correct. Puis les gens qui nous écoutent à ce stade-ci, c'est qu'ils veulent entendre les choses avec franchise. Puis moi, j'apprécie beaucoup ton franc-parler, comme d'habitude. Fait que c'est intéressant. Puis vibratoirement, c'est ce que je capte aussi. Plus que la personne est orgueilleuse, puis est dans le déni, puis plus que ça va prendre un choc de vie inversement proportionnel pour qu'elle réalise le réel de ce qui se passe. Ouais, je souris là, mais je trouve pas ça drôle. Oui. Non, exactement, parce que ça va amener d'atroces souffrances. Tu sais, c'est le gouvernement du Québec qui est entêté, en disant « faites-vous vacciner ». Là, mettons, il y a quelqu'un qui a un incident. Ah, c'est un cas anecdotique, on n'en parle pas. Un autre anecdotique, fait que ça en prend une masse critique pour qu'à un moment donné, ils disent « ouais, finalement, il y a peut-être un lien entre la vaccination puis ces effets secondaires-là, puis le problème de santé ». C'est ça. Puis le déni, c'est pas juste individuel, hein, le déni social de nos Exact. journalistes, de nos politiciens, de nos économistes, le déni, le mensonge, ça va ensemble en passant. Ça va être, c'est ça que je dis, il va y avoir des conséquences terribles à cette forme de déni Ben, qui. exactement. Tu sais, si on a juste à regarder, au début de la crise, Arruda était présenté comme un sauveur du Québec, étant encensé. Il y a des gens avec le chandail d'Arruda. Puis quelques semaines après, quand les gens ont vu que les mesures de confinement continuaient, ce gars-là, il a reçu des menaces de mort. Fait qu'imagine le sort réservé à nos élites journalistiques, comme Mme Bombardier ou gouvernementales, si advenant que la vaccination, qui ont fait la promotion depuis plusieurs mois, puis qui ont eu du mépris pour ceux qui ne sont pas vaccinés, tourne mal, imagine leur sort publiquement qui va être réservé à ces gens-là. Ben moi, je pense que c'est là qu'on va avoir un rôle, les gens qui vont avoir gardé leur centricité. Parce que faut pas. C'est sûr, les gens, tu sais, si on part du principe que tu es inconscient de tout, puis là, tout d'un coup, tu découvres que ton gouvernement est complice pour avoir tué tes enfants, tes petits-enfants, tes grands-parents. Ces gens-là, là, quand ils vont s'éveiller, c'est pas de la colère qu'ils vont vivre, c'est de la rage. Parce que la colère, c'est ce que moi je vis, puis toi, mais eux autres, c'est de la rage. La rage, ça fait des désastres. On se fait tirer, tu sais, un Martineau peut se faire tirer par un gars qui est en tabarnak parce que son fils est mort. Ils vont vivre dans des bunkers, ce monde-là, je te le dis, ils vont finir dans un trou. Ben, c'est-à-dire que... Peur des gens, ils vont avoir peur des gens, mais il faut falloir contrôler ça aussi. C'est pas en massacrant d'autres gens. Moi, je pense qu'ils peuvent aller en prison payer le dû. Mais l'action, c'est pas des tuer. Moi, j'aimerais Non, non, tellement qu'on. je prône pas la violence là, par Non, rapport à ces gens-là, puis... David, c'est pas ça que je dis. Je te dis que les Oui. gens qui vont s'éveiller dans le processus, qui n'ont pas de conscience, vont devenir dangereux Ben oui, aussi. certainement, parce que ça va leur créer un grand choc de réaliser tout ça d'un coup, là. Tu sais, Hey, ça brûle, ça, là. Ça, tu viens en crise, là. T'as plus de Oui. conscience, là. C'est là où on devient dangereux, Ben puis c'est ça, parce que c'est. ces gens-là vont se sentir trahis, puis l'énergie va être tellement forte en eux de colère qu'il pourra y avoir des débordements sociaux importants en lien avec ça. C'est sûr que, honnêtement, je souhaite pas ça. Mais ce que je veux, c'est que, dans le fond, idéalement, que tout se fasse d'une manière pacifique, mais ça, c'est mon idéaliste naïf, là. Mais c'est sûr que, dans le fond, moi, j'ai l'impression que... Loin de comment ça va se passer. T'es pas si naïf. Il est un petit naïf, mais il n'est pas si naïf. Ça va se faire en douceur, bien plus qu'on pense. Moi, là, les scénarios d'horreur que j'entends de tout le monde, là, je suis pas convaincue de ça. C'est pas défini, ça. Je pense pas que ça va se faire comme ça s'est fait dans le passé. Il n'y a pas de bombe, c'est autrement, là. Ça Parce va qu'il y se a eu des faire. règlements de compte après certaines guerres. Tu sais, si je regarde, admettons, la Deuxième Guerre mondiale avec l'Allemagne nazie, où tu sais, il y a eu, en tout cas, je regarde, il y a des choses, qu'il y a eu des abominations, admettons, les soldats russes là, qui violaient des femmes allemandes, là, puis des choses comme ça, là. Comme il y a eu les têtes dirigeantes du parti nazi qui sont parties aux États-Unis, puis sont récupérées là, puis ils n'ont jamais payé pour ce qu'ils ont fait. Hein. Ben oui, avec le projet Paperclip, là, qui permettait de recruter des scientifiques nazis pour des projets américains, là, au, secret, et ainsi de suite, où il y en a une autre partie de l'élite qui a été en Argentine. On voit l'hypocrisie de la chose, tu sais, les Américains qui entre en Europe pour libérer l'Europe d'un facho, mais ils récupèrent toutes les hosties de facho pour les ramener chez eux. Je sais pas. Ah, mais là, c'est pas pareil. C'est pour bénéficier de leur savoir scientifique pour travailler pour des inventions qui vont favoriser les États-Unis. Donc, en Mais réalité... justement, nous en voyons la suite. Nous sommes dedans. Ils ont fait un génocide avec les Juifs, fait que là, ils font un génocide mondial, ils ont compris comment ça marche. Christ. En tout cas, tout ça pour dire que c'est fini, ça. C'est ça, je te dis. Ça, là, cette mécanique-là est terminée. Ça se fera plus jamais. Ça, on voit le bout de ça, c'est ça, là. Un génocide, là, il s'essaye. Le plan a toujours été le même, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est le contrôle de la race humaine. Ils font des tests. Eux autres, là, ils sont organisés, puis ils ont de l'argent, puis ils ont un plan, hein, puis ils sont structurés, tu sais. Ils partent pas en business de même, les doigts dans le nez, ils partent je pense sur le chantier, là. Ils sont structurés, ils ont de l'argent, ils ont tout implanté, ils ont fait le travail bien comme il faut, mais ça va tout planter pareil. Parce que l'éveil se fait. C'est l'éveil des gens, imagine, c'est fou, mais on peut planter. Moi, je dis tout le temps de l'intelligence, c'est moins intelligent. Parce que malgré toute leur structure depuis des centaines d'années pour essayer de contrôler le monde, ils vont se planter pareil. Faut le faire. Non, c'est sûr, mais ça témoigne de leur entêtement puis de leur orgueil, tu sais, l'orgueil astral qui, c'est comme l'histoire du complexe de Lucifer là, qui se croyait plus grand que Dieu, dans le sens où tu vas dire, ben tu vas te planter, ça marche pas ton affaire, puis lui, non, non, c'est moi qui va régner, blablabla. Non, ça fait penser à la télésérie Lucifer, l'avez-vous écouté, non? Non, moi je l'ai pas écouté. Il paraît que c'est bon, là. Oui, Sergio Poirier m'en avait parlé. Moi, je n'ai pas connecté vraiment, mais je trouvais le personnage intéressant. Je comprends l'idée des forces luciférienne, tout ça, mais ouais, ça ne m'intéresse pas. Mais sinon, Mais je voulais on t'avoir... s'en va, on Comment? Moi, ce qui m'intéresse, c'est où la race humaine s'en va. Oui, moi aussi, là, dans son devenir créatif. Mais c'est triste, mais c'est loin encore. Vas-y, t'avais-tu une question? Oui, T'as-tu je une voulais... question? Oui, mais j'en avais une parce que là, je voulais t'en revenir là-dessus parce que ça fait presque un an, jour pour jour, parce qu'on est rendu quasiment là, on est au début du mois de novembre, là, où ce que... il y a eu les élections américaines. Puis, il y a un an, on disait, ben, tous les deux vibratoirement, puis je m'inclus là-dedans, que je captais vibratoirement que c'était Trump, qui normalement devrait être élu. Lui, il a créé à la fraude électorale. Bon, il y a eu Alexis Cossette qui dit, ben, Biden va être tassé, puis Trump, va prendre le pouvoir. Mais finalement, ça fait au-dessus d'un an, puis il a rien eu. Trump n'a pas eu la gouverne des États-Unis. Biden est toujours au pouvoir. Oui, mais c'est intéressant pareil. Ben moi, ça ne me dit pas qu'il ne reviendra pas au pouvoir. Ça me dit juste de me se tromper dans les dates comme d'habitude. Mais ce que moi, ça me parle quand tu parles de même, c'est que le plan, que Trump revienne au pouvoir ou pas, ça n'a pas tant d'importance. Mais bidon, c'est clair qu'il ne mène pas le gouvernement. Ça, je suis d'accord avec toi. Alors, par contre, la fraude électorale, tu m'en Ben. avais déjà parlé que c'était supposé de sortir au début de l'automne, puis finalement, c'est toujours remis à plus tard. L'ex-Cossette, il dit aussi savoir sortir, mais là, ça fait quasiment un an, puis c'est pas public. Ben là, c'est pas dans le temps de l'ego, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est dans le temps qu'il faudra que ça se fasse, mais ça n'empêche pas la lecture que moi, ça change rien à ma lecture, ça va s'implanter pareil, puis Trump revient au pouvoir. Bien, bon, Là, dans l'élection d'après, mon c'était. idée, David, t'as appris, que Oui. là, ce qu'on a compris, puis que je pense que les Américains ont très bien intégré avec les audits de Maricopa, c'est qu'il y a eu, effectivement, c'est pas, les audits de Maricopa, quand on écoute la TV, là, on comprend pas ce qui se passe vraiment, parce qu'eux autres, ils disent « Ah, mais ils ont gagné, il n'a pas été démontré que… » T'sais, ils ont démontré qu'il y a eu fraude électorale, c'est ça qu'il faut comprendre. Ils ont démontré, Maricopa, qu'il y a eu fraude électorale, puis que cette tricherie-là a eu lieu chez les démocrates et chez certains républicains aussi. D'ailleurs, Trump, si tu regardes aujourd'hui ce qu'il fait, c'est qu'il est en train, c'est justement, c'est ça qui est intelligent, c'est qu'il fallait qu'il fasse ressortir le plan de Trump fait, là, c'est pas Trump fait, c'est l'armée américaine, je suis d'accord avec Alexis derrière lui, là. C'est que le plan, c'était de faire ressortir c'est qui est traître, autant d'un bord que de l'autre, parce que c'est pas tous des traîtres des démocrates puis des républicains, c'est pas noir et blanc la vie tout le temps, là, c'est pas vrai, il y a plein de tons de gris là-dedans. Fait que c'est ça, c'était de faire relever ces gens-là. Ces relevés, là, ils savent, puis en plus, ils ont démontré qu'il y a eu fraude électorale. Par le fait qu'ils ont découvert qu'il y a quand même des ballots qui n'ont pas rapport, puis qu'il y a eu plein d'affaires bizarres. À la suite de ça, tu as 41 autres États qui ont décidé de faire des audits. Fait qu'ils sont là-dedans, là. 41 États qui vont ouvrir des audits tels que le Maricopa l'ont fait. Qui vont découvrir quoi? Qu'il y a eu fraude électorale. Qu'est-ce que vous croyez que ça va faire? Ça va annuler l'élection. Parce que là, on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas eu fraude. Il y a eu fraude. On ne peut pas dire que Trump est élu puisqu'il y a eu fraude. Fait qu'on va repasser à l'élection. Mais ça, c'était pas nécessairement défini il y a un an et demi. Mais c'est vers ça que ça s'en va. Puis quand on dit que l'armée va prendre le pouvoir, d'après moi, c'est là que ça va se faire. Temporairement, l'armée va devoir prendre la relève parce que s'ils prouvent qu'il y a eu tricherie dans les élections, pas par les Américains, parce que là, ils sont en train de prouver que ça vient de la Chine, de la Russie, de l'Iran, qu'il y a eu des entrées dans le système qui était ouvert. Ça annule l'élection fédérale instantanément, les amis. Exactement, mais en même temps, tu sais, Ça ça va fait. sortir. Mais c'est. Ben, j'espère que ça va sortir honnêtement, parce que ça fait environ un an là, que le suspense dure, comme on dit, mais moi j'ai l'impression qu'à mesure que les mois passent, puis à mesure qu'on s'éloigne de ça, dans le sens que plus qu'ils attendent avant de faire le réajustement, plus qu'ils vont l'air fous. Tu sais, ça fait un an que quelqu'un qui est illégitime, qui est au pouvoir, ils vont l'air fous d'admettre ça, là, tu sais. Ben, ils peuvent pas. Tu parles du gouvernement en place d'admettre ça, ils l'admettront jamais. Il va falloir que ça se passe autrement. Il va falloir que ça soit démontré par la Cour. C'est ça prend des preuves, mais pour ça prend des audits. C'est tout un cycle. Ouais, je comprends, ça crée du délai là, à ce moment-là. C'est le délai. Mais en réalité, ce qu'on a dit va être réel pareil. On en reparlera. On prendra une petite bière à la santé quand ça sera placé. Mais c'est ce que je vous dis. C'est pour ça que je ne veux plus rien savoir de la médiumnité. Puis je me suis fait piéger dans ton cas, là. Mais c'est ça. C'est que le temps. Écoutez bien ça, je parle avec ma sœur en rigolant là, pour vous dire comment ma Ben oui. sœur pense de moi, qui me connaît depuis 60 ans quand même, puis que je ne cache pas ce que je suis. Alors, je l'appelle, puis je parle un peu avec elle, puis elle me dit des choses. Puis à un moment donné, j'ai dit, tu sais, Joanne, je dis pas ça de même pour te faire un peu. Je ne sais pas ce que j'y avais dit. Écoute bien répondre. Elle me dit, toi, là, elle dit, de toute façon, tout ce que tu dis, ça arrive, ça me fait chier. C'est rien que dans le temps, ça ne se place pas comme tu veux dans le temps, mais c'est toujours ce que tu dis. Ouais. C'est le temps. C'est ça que je te disais tantôt. La difficulté avec la canalisation d'informations, c'est que le temps n'existe pas. Fait qu'ici, quand on descend l'information puis qu'on met des mots dessus, ben c'est Oh oui, non, je touché. comprends. Il peut y avoir des délais, des interférences aussi. Puis, tu sais, bon, admettons, Alexis Cossette, à un moment donné, de ce que je comprenais, il parlait pour le mois Biden avait été mis en place au mois de janvier, puis c'était comme un mois après. Après ça, c'est 3 mois après. Mais en réalité, peut-être que ça va prendre plus que ça. Moi, je ne sais pas, puis je ne mettrai pas de date parce que justement, le temps peut fluctuer. Puis il peut y avoir un délai de déversement de l'information qui vient du plan éthérique au plan physique aussi. Ouais. Mais une chose est sûre, je reviens à ça, là, c'est qu'ils pensent pas, ça doit être modifié, fait que ça peut pas aller en 2024. Pas que Trump ne pourrait pas se présenter en 2024, c'est pas ça. C'est pas ça l'enjeu. Trump, là, on s'en crisse, c'est une fonction, là. Moi, je dirais que c'est plutôt que l'enjeu, il faut que ça se place avant les prochaines élections si on veut éliminer la tricherie sur les machines. Oui, exactement, pour que ça se reproduise dans les nouvelles élections américaines pour 2024. Dans le fond, là, dans un sens, il dit qu'il faut que ça se fasse avant un temps X. Lui, il définit ça avant le midterm, là, mais moi, c'est drôle, à chaque fois que j'écoute, ça ne change pas mon avis. Ça va se passer, le plan s'installe, il est progressif, le plan. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui avait déjà expliqué ça. C'est pas un plan défini, noir et blanc, étape, comme le plan de la gang de 1%. Le plan qu'on parle, il y a plusieurs, comment on appelle ça, des possibilités. Ils ont tous prévu si on fait ça, il va arriver ça, ils vont faire ça. Tu sais, c'est ça, je veux dire. Ils ont planifié ça depuis longtemps, l'armée américaine, puis là, ils sont obligés d'y aller selon la réaction de chaque mouvement qu'ils font. Mais il faut qu'ils mettent un peu le feu et à sang le pays pour que les gens se réveillent. C'est plate, mais c'est ça, je te dis, c'est quasiment nécessaire, ce temps d'attente, de marde, où on se dit, Christ, il va-tu se passer quelque chose? C'est parce qu'il faut que nous, on fasse quelque chose individuellement. Puis ils l'ont compris aux États-Unis. C'est ça que Trump, il dit depuis 1 an et demi. Oui, moi, je peux faire quelque chose, mais vous avez une job à faire individuellement. Oui, exactement. Puis c'est ça qui est lent. Ce qui fait que ça ralentit, c'est pas le plan, c'est que le monde est pas vite sur l'éveil. Fait que ça ralentit, ça aussi, la chose. Oui, il y a une période d'intégration, tu sais, puis ça, c'est en fonction de chaque personne, là. C'est un petit peu comme pour la mise en place de la régence planétaire. Peut-être ça va être en 2050, en 2060, 2070 ou plus tard. Ça dépend du délai de téléversement. Là, vous vous lancez de la médiumnité d'avion, là. Oui, mais Parce qu'avant, je il avait donne dit pas de quoi, date. 2060, Je donne pas de Bernard, date. Comment? Bernard, il avait dit quoi, 2060, la gérance planétaire s'installait? C'est-tu quoi? Moi, C'est-tu j'avais ça? compris, c'était 2070, là. Ouais. Je sais plus, je me rappelle pas, mais c'est loin encore. Oui, c'est ça. Mais je suis d'accord avec Bertol, c'est plus tôt que prévu. C'est ça, là, que je veux dire par les prédictions de temps, c'est difficile parce que ça dépend de l'intégration en boom. Fait que ça, ils ne peuvent pas l'évaluer facilement, tu comprends? Au même titre que l'occulte qui mène ces 1% de la planète qu'on nommera pas, parce que je ne veux pas les appeler. Le 1% qui est manipulé par une forme d'occulte, c'est bizarre. Il y a une règle, eux autres. As-tu remarqué qu'ils sont obligés tout le temps d'annoncer le plan pour pouvoir le faire? As-tu remarqué qu'ils sont obligés de le dire? Ben, c'est-à-dire qu'il Règle. dans le fond, ils disent pas. C'est-à-dire que comme Colin le faisait remarquer, là, qui s'occupe du Colin Show là, sur Facebook, c'est que les annonces des étapes, des prochaines étapes, sont annoncées dans les médias, entre autres, ouvertement. Pourquoi? T'es-tu posé la question? Pourquoi qu'ils viennent te le dire s'ils veulent te le cacher? Hein? C'est parce qu'à quelque part, ils veulent programmer l'esprit. Ben, il y a ça, mais c'est qu'ils n'ont pas le choix d'annoncer le plan. Ça fait partie des règles. Ah, Ça prend le intéressant. consentement des gens. Allô? Si vous n'êtes pas consentant, ils ne peuvent pas appliquer le plan. Fait que la moitié de la planète qui n'est pas consentante, pensez-vous que le plan va planter? Ben oui. Si on parle de la notion de consentement, c'est intéressant, surtout dans cette période vaccinale où, normalement, lorsqu'une personne est vaccinée, ça prend un consentement libre et éclairé. Or, c'est ce qu'ils n'obtiennent pas présentement. Tu sais, en menaçant la personne de perdre son travail dans le domaine de la santé, on ne peut pas dire que la personne a donné un consentement libre et éclairé. Puis si un jour cette personne-là a des problèmes de santé parce qu'elle s'est faite vacciner contre son gré, contre qui elle va retourner? Personne, puisque personne qui a assumé la responsabilité. Mais le gouvernement avec Santé Canada qui approuve les vaccins en disant qu'il est sécuritaire, il y a une responsabilité quand même. Non. Le gouvernement a clairement dit qu'il n'assumait pas la responsabilité de la vaccination, même si c'est safe. Puis le pharmaceutique n'en a pas plus d'avantage à assumer la responsabilité. C'est écrit dans le site. Parce que moi, dans le fond, ce que je pensais, c'est que oui, l'industrie pharmaceutique n'a pas de responsabilité. Parce que, dans le fond, Santé Canada a approuvé. Fait que moi, j'ai l'impression qu'ils pelletaient ça dans le cours de Santé Canada, qui approuvait le vaccin comme sécuritaire pour que ça soit donné à la population. Ah, le vaccin, vas-y, les médicaments, il n'est pas dans la liste de médicaments. Les vaccins, ils ne sont pas dans la liste des médicaments officiels du Canada. C'est pas vrai. Comme aux États-Unis, les quatre vaccins ne sont pas dans la liste de FDA, de SDA, je ne sais pas trop quel mot. Oui, non, je comprends, mais il y a eu, de ce que je comprenais par rapport à la FDA, Food and Drug Administration, une approbation temporaire compte tenu de l'urgence sanitaire. On donnerait une approbation temporaire sans que ça soit pour autant homologué, là. Oui, c'est ça, mais il n'est pas homologué. Le produit, il est encore expérimental. Fait qu'il ne fait pas partie de la liste des médicaments officiels du gouvernement du Canada ni des États-Unis. Donc, ce médicament-là n'est pas homologué comme étant safe, mais comme homologué comme expérimental en cas d'urgence. Mais il n'est pas homologué, il est en expérimentation. Oui, OK. Fait qu'autrement dit, si on prend... Tu ne peux pas avoir un éclairement de quoi que ce soit, c'est puisqu'il ça. Est en expérience. Voilà. Donc, ça se conteste. Mais c'est ça, c'est ça que je dis. Moi, si le gouvernement vient, mettons que je serais obligée de me dire, « Madame Hébert, vous allez aller vous faire vacciner, sinon vous n'avez plus le droit d'aller à l'épicerie. » Regarde-moi bien aller. On verra bien si tu as raison quand on est en cours. Voyons donc, tu vas m'arrêter de manger sous prétexte que tu faut que je me fasse vacciner sur quelque chose que vous n'êtes pas capable de prouver comme efficacité. Mais oui, go with it, viens-t'en. C'est sûr que, dans le fond, ça n'a pas l'air à tenir la route, mais... En même temps, quand on regarde ça, l'imposition du passeport vaccinal, au début de ce que je comprends qu'on nous a dit, c'est que c'était censé être pour les bars, les restaurants, puis également, il y avait les salles d'entraînement. Puis là, finalement, ben j'apprends que les studios de yoga, entre autres, en font partie. Il y a plein de choses là que finalement, on ne nous avait pas dit, tu sais. Fait que moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, ils vont peut-être vouloir généraliser ça puis empêcher les gens là, d'aller à l'épicerie s'ils ne sont pas avec le passeport. Bien, ils commencent déjà à refuser des gens malades en greffe parce qu'ils ne sont pas vaccinés sous prétexte qu'ils n'ont pas d'affaires à l'hôpital. Moi, tu me le ferais rien qu'une fois, je te le garantis, hostie. Tu veux pas me soigner parce que je ne suis pas vaccinée? Ah ouais? Garde-moi bien aller. On va voir que ça va te coûter cher. Je vous l'ai dit, il faut se lever individuellement, puis pas avoir peur. C'est ça, mais si on pense du cas d'une personne qui a une greffe, la personne, c'est sûr que oui, elle a le droit à un traitement médical, puis elle est victime de discrimination, puis c'est évident, mais par contre, le temps qu'elle fasse ses démarches judiciaires, puis les tribunaux sont tellement longs au Québec qu'elle passe en cours, elle va peut-être avoir le temps de mourir avant ça. Je pense pas que ça serait si lent que ça, moi, pour quelqu'un qui est malade, qui est en chirurgie, en attente de chirurgie. Il y a des cas d'exception, puis il y a des avocats très habiles là-dedans. Je vais pas de là tout seul, on va m'engager un bon avocat. Mais ça prend l'argent. Tu sais, ça peut coûter des milliers de dollars pour faire cette démarche-là. Ça va me faire plaisir, s'il y a lieu. Parce que le millier de dollars, je vais leur gagner. Je t'ai pas conté mon histoire de Bro et Martineau sur une petite échelle de rien du tout. Voulez-vous une petite histoire drôle? Vous allez rire pour mourir. Oui, vas-y. Il y a 3 ans, j'achète un frigidaire sous une seule condition quand je magasine, c'est silencieux. Fait que je m'en vais magasiner avec mon fils, blablabla, mais on veut un frigidaire silencieux. Ah, le plus silencieux qu'on a sur notre plancher, c'est celui-là. OK, voulez-vous le brancher? Ah non, on ne peut pas le brancher parce qu'il y a trop de branchements. Je vous me garantissez. Oui, il est très silencieux, c'est plus silencieux. 1 700$ plus tard, débarque le frigidaire dans ma maison. J'ai jamais eu un frigidaire aussi bruyant de ma vie. Puis là, c'est pas rien que le moteur qui décolle. Tu entends des ultrasons, des « pendant 10 minutes. Bref. On fait une démarche avec le commerçant pour dire, ben là, non, votre frigidaire, gna gna gna. Là, on a rencontré plein d'obstacles, ils veulent rien comprendre. Non, non, non, on peut pas punir. En bout de ligne, il envoie un technicien de LG. Ben, lui, il fait rien, il a même pas testé rien. Il a regardé le frigidaire. Ah oh, non, tout est beau, c'est normal. Le guide vous le dit que c'est normal. OK. Mais là, moi, je pète ma coche, je dis là, ça va faire hostie de niaisage. J'ai dit que mon frigidaire, je voulais que c'est silencieux. J'ai mis un frigidaire aussi bruyant. Mon ancien frigo qui avait 20 ans fait moins de bruit que ça. Ça va faire. Fait que je me mets à parler. Là, j'appelle le fournisseur. Je dis là, si tu me changes. Là, je veux changer de frigidaire. Puis vous refusez. Je vous allez me l'écrire. Parce que j'ai dit, moi, je vais être remboursé. Puis écrivez-moi votre point. Parce que là, c'est plus par téléphone. Ils m'écrivent qu'ils refusent de changer mon frigidaire, que c'est pas vrai qu'il fait du bruit, puis que bon. Parfait, je m'en vais en cours. aux petites créances. Mais là, c'est avant le COVID, fait que ça a pris 3 ans pour qu'on passe, parce que c'est sûr que c'est pas prioritaire un frigidaire, hein. Mais écoutez bien ça, j'ai réussi, j'ai démontré mon... Parce que c'est bien beau ce qu'on dit, c'est ça que vous comprenez pas présentement dans le combat qu'on vit. Les gens peuvent bien dire n'importe quoi, mais une fois qu'ils sont devant, faut que tu prouves ce que tu dis, c'est une autre histoire. Et notre gouvernement, il n'est pas tellement en position de prouver ce qu'il dit. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. C'est le parallèle que je fais, là. Fait que là, j'arrive en cours, puis je présente mon dossier super équipé. J'ai des enregistrements du son, j'ai des témoins, j'ai mon chum qui est là, puis j'ai mon fils qui sont témoins. Je présente la chose, je présente les enregistrements, je monte tout le dossier. Et là, j'ai une avocate du commerçant qui est là. C'est un contentieux, c'est un gros magasin, là. C'est beau et Martineau. Le contentieux débarque, baveux, comme ça se peut pas. Madame l'avocate, avec son gros écran, puis avec ses liens. Elle est en présence et là, le juge l'écoute, puis elle, son argument, écoutez bien ça, là, l'argument, c'est que le guide technique de LG disait qu'il était silencieux. Donc, le juge la regarde et dit, c'est ça votre preuve? Le guide du commerçant, du fabricant? Elle dit, ben oui, c'est leur responsabilité comme le fabricant de décrire ce qu'il faut pour que les clients puissent avoir ce qu'ils veulent, tu sais. Ben oui. Ah, il dit, ben, je suis désolée de vous apprendre, madame, que c'est pas toujours réel, ça. Fait qu'il dit, la preuve a été faite par madame que le frigo est bruyant. Puis ils ont convenu que ma demande était que ce soit silencieux. Là. Bon, ils le reconnaissaient. Fait qu'en bref, qu'est-ce que ça a fait? Le plus drôle s'en vient, écoutez bien ça. Je gagne ma cause, plus les frais, plus un petit pourcentage sur du temps perdu pour tout ce qu'ils nous ont fait perdre comme temps. Fait qu'en bout de ligne, je reçois sur un frigidaire qui m'a coûté 1 700, je reçois 2 300 de LG qui était condamné à me payer le frigo, plus les dommages. Et de récupérer son frigidaire par Brault et Martineau. Part en vacances, je reviens de vacances, c'était au mois d'août, puis là, j'avais le monsieur de Brault et Martineau du contentieux qui m'appelle, qui me dit, Madame Hébert, pour prendre entente pour récupérer le frigidaire. Je dis, oui, ce sera pas long, je vous rappelle, il faut que je m'en trouve un autre. Fait que je trouve un autre frigo rapidement, usagé, celui-ci, qui me coûte 700 $, que je rentre dans la maison, qui fait vraiment pas beaucoup de bruit, en passant. Puis je dis à Brault, venez chercher votre frigidaire. Là, le gars qui est à l'autre bout, il me dit, ça vous tente pas de le garder? Je dis, pardon. Ben, il dit, je vous le donne. Écoutez ça, là. Il me le donne. J'ai dit, vous me donnez le frigidaire. J'ai dit, moi, je viens de me battre pendant 2 ans et demi, 3 ans pour avoir un frigidaire pas brillant. Puis là, vous me le donnez. Et là, j'allume. J'ai dit, OK, parfait, je le garde. Et je l'ai revendu. Combien d'argent vous pensez que j'ai fait avec mon frigidaire, moi, là? J'ai fait 3 500 pièces. Ben, c'est bon. Mais c'est ça. La leçon, là, c'est que quand tu as ton hostie de voyage, tu vas au bout du voyage, Chris, puis tu gagnes. Mais c'est sûr qu'il a fallu que j'avance un peu des choses, tu sais. Bon, ben moi, je l'ai dit, j'en ai de l'argent de côté si je suis mal pris. C'est ça, vivre sa terre. Les amis, je suis promentaleux, là. Exactement, mais j'étais curieux de savoir si en cours tu t'étais représenté toi-même ou tu avais embauché un avocat ou une avocate. Baby, tout seul. Le Brault et Martineau m'ont envoyé son avocat, mais moi, je suis allée avec mon chum OK, qui est tu t'es mort. représenté toi-même, là. Ouais. OK. Il s'agit d'avoir une structure puis de bien organiser ton dossier, c'est tout. C'est parce qu'il faut comprendre qu'il faut démontrer ce que l'on dit. Oui. Tu viens me dire qu'il faut que je sois vaccinée pour sauver la planète en entier. Prouve-moi-les. Moi, je vais te prouver que c'est pas vrai ce que tu me dis, par exemple. En cours, on m'a amené les preuves de tous les médecins mondiaux qui disent des choses. Puis là, présentement, on a des données qui confirment que le vaccin, c'est ça que je disais tantôt, vacciné ou pas, scientifiquement, là, c'est reconnu. La charge virale est la même. C'est ça, puis Anthony Fauci l'avait dit dès le mois de juillet de cette année 2021. Il avait déclaré que vous n'enlèverez pas les masques parce que vous pouvez contaminer autant que si vous n'êtes pas vacciné ou double injecté aux États-Unis. Ben alors. Pourquoi forcer les gens à se vacciner si la charge virale reste la même? Ça vient de prouver que ça ne marche pas, le vaccin, Ben là. c'est ça, Parce même chose pour le passeport vaccinal. Pourquoi qu'ils implanter cette mesure-là? Tu sais, c'est. ne défendent pas. Combien de fois faut que je le dise, Chris? Après tout, je suis fâché, David, là. Mais tabarnak, allumé, c'ti! C'est illégal, tout ce qui se passe, mais on l'accepte. Ben, c'est ça, le consentement, Chris. Si tu te fais piquer, tu viens de Oui, consentir. c'est un consentement tacite, c'est qui ne dit mot consent. Qui dit mot consent, Chris, combien de religions vous l'inscrivez, là, dans le coco, là? Ben, c'est ça. Ben, c'est ça qui se passe. Ça prend votre consentement, c'est ça que je vous dis. Ça prend votre consentement, puis vous êtes informé qu'on va vous piquer avec quelque chose que vous ne savez pas. OK! Ben, t'es fait. Si tu dis non, ils sont. Comment ça, non? Ben, c'est non. Ils peuvent pas te forcer. Puis si c'est la planète Terre, ils te forcent, là, ben, tu vas te défendre en cours, puis tu gagnes ta cause, Chris. Un peu de couille, Simone. Il y a des syndicats, là. Moi, j'étais dans un syndicat, David. Là, ce serait le bordel avec moi, Chris. Il me crisserait dehors, le syndicat, je pense. Parce que pour ou contre vacciné, toi, tabarnak, t'as un job à faire. Je ferais comme du Rambo avancé en féminin, moi, là. T'es obligé de défendre tes membres, sinon, t'as plus le droit d'être là. Point à la ligne, que ton membre. Je l'ai vécu à Hydro-Québec quand j'ai travaillé à Hydro-Québec. Je me suis poignée qu'une syndiquée. Je me suis fait dire, parce que j'étais syndiquée, qu'il ne fallait pas que je me chicane avec une syndiquée. Ben, j'ai dit, je suis désolée, il va falloir que tu règles le conflit, mon gars. Entre deux syndiqués, Chris. Parce que sinon, fuck off, je te poursuis. Ben non, tu peux pas faire ça. Ben, je vais le faire si tu ne le règles pas, le problème, le boss du syndicat. Il l'a réglé en crise, le problème, parce qu'il pouvait C'est pas ça, faire autre mais toi, tu as la force de volonté de faire chose. bouger les Non, choses. ça, ce câlisse de planète-là, arrêtez-moi ça. Je t'ai carré d'entendre ça, oh, ben, oui! Pensez-vous que je suis venu au monde de même, câlisse? Simonac, vous n'avez pas assez souffert. Non, C'est non, tout. mais je comprends ce que tu veux dire dans un sens. Vous souffrez pas assez. Continuez à souffrir, puis le martyr. Hein, puis quand vous avez assez fait de dilatage de souffrance, vous allez vous contracter, puis revenir. Chris, ça vous prend quoi? Je pense que ce que ça va nous prendre, c'est des morts massives d'enfants de 5 à 11 ans. Ben, c'est ça. Puis après ça, venez vous plaindre que le monde n'est pas beau. Ben, c'est vous autres qui avez un problème. C'est tout. Mais Ben, je m'en l'affaire, puis je me mets aussi dans le lot, vais. Mona, c'est que collectivement au Québec, puis c'est la Ouais. même chose en France, puis les pays occidentaux, c'est qu'on a vécu d'une abondance matérielle, là, puis on n'a pas connu la Première ou la Deuxième Guerre mondiale de notre vivant ou de traumatismes sociaux importants, puis on a connu une abondance relative. Puis ce contexte-là a fait de nous, puis je me mets dans l'eau, pour, je pense, beaucoup de personnes, des gens qui sont ramollis, tu sais, qui c'est ça. Ben, je suis désolée de t'apprendre que moi, j'ai vécu dans des pays où ce qui n'était pas riche du tout, puis était aussi ramolli que nous autres. Donc, je pense pas que ça a rapport. Du monde éveillé, je pense pas que ça a rapport avec le fait d'être confortable. Mais moi, Je je pense pense pas. que le confort endort à un certain niveau, dans le sens que quelqu'un qui est habitué de faire des efforts pour se lever le matin versus celui qui se fait dire, ben là, tu vas être sa PCU ou PCRE, reste chez toi, puis tu peux passer ton temps devant l'ordi, puis tu vas être payé par le gouvernement. Ça n'a pas la même volonté, là. OK, dans ce sens-là, la crise est plus facile de dormir dessus parce qu'on nous paye pour dormir. Oui, Tandis dans ce sens-là. qu'en Afrique de l'Ouest, par exemple, au Sénégal, tout ça, ils ont des consignes sanitaires, mais comme les gens n'ont pas de revenus pour compenser, ils sortent puis ils s'en calissent. Parce que ce Exactement. qui se passe en Afrique, c'est qu'ils ont des consignes, mais personne ne les respecte parce que, Chris, ils n'ont pas d'argent dans la maison à rester, il faut qu'ils mangent, fait qu'il faut qu'ils sortent travailler. C'est ça, fait qu'eux autres, ils n'achètent pas le discours du confinement parce que s'ils sortent pas, ben ils crèvent de faim, tabarnak. Fait que là, eux autres sont en position de survie qui fait en sorte qu'ils ne se soumettent pas aussi facilement. Puis nous autres, on est plus dociles en disant, ben reste chez toi, rien faire, tu vas gagner 2 000 $ par mois. Ben ça, c'était il y a quelques mois, là, avec la PCU, là. Ils ont acheté la paix temporairement. C'est ça. Mais Ouais. c'est ça, le cercle vicieux, c'est qu'on achète la paix, fait que là, on se soumet à des mesures pour pas perdre des privilèges puis ces choses-là, mais un peu comme la grenouille qui progressivement elle se fait bouillanter parce qu'elle est dans un chaudron, puis l'eau commence à augmenter en chaleur, si elle se lève pas en temps opportun, ben elle va mourir cuite. Tout à fait. Donc, il augmente progressivement la chaleur avec les mesures. Là, il y a les injections qui augmentent progressivement. On parle là, de la troisième dose pour les 70 ans et plus. Puis j'ai l'impression que la prochaine étape, ça va être 50 ans, 60, puis un peu comme en Israël, ce qu'on nous présente en primeur. On fait déjà du marketing pour la quatrième dose en Israël présentement. C'est sérieux, là? Je le sais. Parce qu'ils sont Oh, je sais. massivement, ils ont une étape en avant de nous autres, là. Eux autres sont massivement vaccinés 3 doses depuis le mois d'août. Je pense que c'est 11 doses prévues ou 12. Un bout fini. Mais on ne se rendra pas à 11 doses. Là, mais bon, c'est essayé à 4-5 certains. C'est payant. C'est payant pour eux. C'est la seule chose pour laquelle ils poussent les agendas. Parce que c'est tout ce qui leur reste à faire du cash parce qu'ils savent qu'ils sont cuits. Donc, Un peu comme la grenouille qui, à un moment donné, va être cuite parce que la chaleur augmente ou le changement vibratoire se fait, à un moment donné, ça pourra plus marcher. Mais moi, c'est sûr qu'en tant qu'ego, ma curiosité, c'est de voir, c'est quand que ça va être le point de rupture du lien de confiance entre le gouvernement, puis la population, puis les médias, là. C'est l'enfant. C'est quand on va voir les résultats, c'est les enfants, vraiment des petits bébés. C'est là que la rupture va se faire. Mais tu sais, l'aide qu'on a eue, là, financière du PCRE-PCU, c'est un petit Oui. peu ce que la Burkinabé disait, là. Ça, c'est de l'entraide, là. Oh, notre bon gouvernement vient de donner de l'argent. C'est de l'esclavage, c'est ça qu'elle dit. Mais la PCRE et la PCU, c'était une forme d'esclavage pour vous maintenir en prison le temps qu'on vous fait passer toutes sortes de niaiseries par en dessous, parce qu'on voit même pas un dixième de ce qui se passe, hein. Non, ça c'est sûr, puis c'est pas les médias qui vont nous aider à voir. David, ils n'ont pas d'argent pour les hôpitaux, ils n'ont pas d'argent pour les écoles. Ça coûte combien l'installation du système numérique au Québec, vous pensez? Combien d'argent vous pensez que ça va coûter? De quel système tu parles? L'installation du système numérique, là, que tu parles, en commençant par la passe sanitaire, la passe de vaccination, Ah, puis ben ensuite, ça, le gouvernement, de ce que j'ai combien de compris, milliards de dollars? ça, je Es-tu ne sais capable de mettre pas. un chiffre? Ça, je ne sais pas, mais ce que je sais, je pense que Ça va ça coûtera coûter. pas si cher que ça, parce que, je t'explique, ce n'est pas des terminales que le gouvernement fournit, c'est des téléphones que les gens ont, qu'ils utilisent pour scanner, comme Samuel Grenier, qui est blogueur, par rapport à son restaurant, il expliquait, parce qu'il parlait avec un fonctionnaire, puis dans l'entrevue qu'il a enregistrée, qu'il a partagée sur le web, ben, le fonctionnaire, il expliquait, il disait, regarde, monsieur, c'est pas nous autres qui vous fournissons le terminal pour scanner, c'est que vous prenez votre téléphone intelligent pour scanner les gens. Fait que c'est l'employeur qui doit fournir le téléphone là, pour scanner le passeport. C'est une gang de tordus de calice. Ouais, moi aussi, je suis en colère, là, tu sais. Oui, je vais scanner le monde avec mon téléphone. En tout cas, moi, je ne ferai jamais ça. En passant, là, à Montréal, j'ai trouvé un restaurant où je peux aller manger sans rien. J'ai un bar où je peux aller bière et boire mon petit verre sans rien. Je me suis trouvé plein d'endroits où je peux vivre sans ça. Fait que je m'en calisse. Il y a un marché parallèle qui va se développer. C'est tout ce que ça va faire, le contraint. Ça va faire développer un marché noir. Ça a toujours existé, un marché noir. T'as vu le joueur de hockey? Pourquoi on parle de fausse passe sanitaire, là? C'est qu'il y a un joueur de hockey, je crois, qui est à Toronto, qui s'est fait pogner qu'une fausse passe sanitaire de vaccination, là. Ah, je n'étais pas au courant. Ben, en tout cas, je t'écoute pas le hockey. Non, C'est c'est de la... ça. C'est ça, mais c'est au hockey. C'est un joueur de Toronto. Puis Montréal, Toronto, on joue ensemble, je pense. Je ne sais pas si je ne mélange pas deux histoires, mais il y a un joueur de hockey de l'équipe de Toronto qui s'est fait pogner avec une fausse passe sanitaire. Moi, j'ai ri pour mourir. J'ai dit combien ça a pu coûter? C'est au moins une dizaine de mille. C'est ça, mais si le gars il gagne 100 millions ou 1 million, c'est pas la mer à boire non plus. Non, pas trop, mais je pense qu'ils ont compris que. Faut il faut qu'il soit un petit peu plus peaufiné comme modèle là, de crosse. Mais Exactement. c'est sûr qu'il va y avoir des passeports. Tu sais, s'ils veulent pousser la machine jusqu'au bout, là, de nous rendre vraiment passeport partout, moi, je pense qu'il va tout simplement avoir des options d'acheter des passeports, de faux passeports. Oui, mais surtout que dans le fond, le passeport sanitaire, avant qu'il soit entré en fonction, Éric Kerr disait, ah, oh, c'est sécuritaire, puis blablabla, puis il était déjà piraté le code avant que ça soit en entrée en fonction, tu sais. Ben moi, je pense que c'est très facile à pirater et à faire des copies de tout ça bien fait, là, mais c'est ça, je dis. Quand même, c'est de même dans toutes les contraintes qu'on nous met. Rappelle, en Angleterre, dans le temps, parce que le pays était très, des années 50, 60, là, 70, c'est quel groupe qui sortait le plus? Ça venait de l'Angleterre, des groupes comme Genesis, Pink Floyd. Parce que c'était tellement une société conservatrice et écrasante que l'underground s'est développé musicalement de cette Ben oui. époque-là. Oui, mais tu as eu des. Tu sais, la La contre. contre-culture. L'alcool, là, dans le temps que la prohibition de l'alcool t'a interdit, qu'est-ce qui s'est passé? On s'en est mis à faire en cachette. Moi, si je n'ai pas de problème à contacter la mafia pour avoir une fausse passe sanitaire si j'ai besoin, je m'en calisse. On est dirigé vers la mafia, pareil. Voilà. Qui me fait un passeport sanitaire de cul? Moi, je vais me l'acheter. Je peux aller jusque-là. J'ai pas de morale, moi, rendu là. Ben, J'ai pas c'est-à-dire de que mal. nos politiciens n'ont pas de morale, tu sais, fait que... Penses-tu que je vais avoir de la misère à y contourner? Il y a toujours une façon de contourner un système tout le temps. Donc, plus il implante un système autoritaire, plus il va y avoir l'underground, puis un underground qui va se développer. Puis, moi, aucune idée par rouler dans l'underground, mais je vais avoir 80 ans, je vais être morte avant, j'espère. Mais peut-être qu'avant ça, le scénario sanitaire va tomber, là. Tu sais. Oui. Moi, le scénario sanitaire, pas plus que 6 mois encore, maximum un an. Je pense pas qu'il passe la route de ça. Puis, en même temps, je trouve ça le fun. En tout cas, je trouve ça le fun, moi, comment ça se passe dans ma vie, moi, parce que comme j'ai pris position claire, ben, je me retrouve avec 30 personnes présentement qui s'entraînent avec pas 32. Ben, relax. J'ai dû vacciner, pas vacciner, mais chacun respecte tout le monde. C'est l'idée. C'est l'idéal, ça. Oui, puis j'en ai une qui a appelé la semaine passée en me disant, oh, je vais aller à vos cours. J'aimerais ça avoir de l'information sur vos cours. Puis écoutez bien la question. Elle me dit, demandez-vous le code QR. J'ai dit, madame, moi, être morte quand je vais demander ça, je pense. Par rapport à rire, fait, ouf. Fait que, tu sais, il y a de la place pour tout le monde. Il y a du monde qui vont courir après le code QR parce qu'ils ont peur. Puis il y en a d'autres qui vont dire, oh, surtout pas de code QR, ils vont venir chez moi ou ailleurs. Il y a une place pour tout le monde. Parce que les gens ont peur de perdre beaucoup de choses. Mais en réalité, si tu prends position, il y a du monde qui vont. C'est vibratoire, la vie. C'est pas ça qu'on parle dans la Ben oui. conscience vibratoire, hein? Ben, prenez position, puis ce qu'on vibre, ça se dégage. Puis ce qui se dégage, les gens viennent vers nous selon ce que ça dégage. Non, exactement. Il y a des gens qui vont entrer en résonance avec nous. Donc, ça va faire du ménage aussi, dans le sens que ceux qui sont plus sur la même longueur d'onde s'en vont, puis laissent de la C'est ça. place pour les nouveaux qui vont arriver, s'il y en a Exact. à en avoir. Si vous voulez, je vous fais une petite affaire intéressante que je dis aux gens avec qui je travaille ici. Sur 19 mois, j'ai à peu près le même groupe de gens qui me suivent, OK? OK. Donc, j'ai là-dedans, mettons, 30 personnes qui me suivent depuis au moins 19 mois, c'est presque les mêmes. Quand il y a eu le COVID et toutes les histoires, j'ai connu deux personnes dans mon groupe qui ont eu des grands-parents décédés ou parents passés 82 ans et plus, j'en ai eu deux, du COVID. Par contre, depuis qu'il y a vaccination double, j'ai 6 personnes malades sur le même 30. Pensez-vous que ça ne me parle pas déjà, ça? Rien que ça. Microcosme expérimental, même groupe, deux, que c'est les grands-parents qui sont décédés puis parents 82 ans et plus. 10 mois plus tard, double vacciné, j'en ai 6 de malades, dont 3 qui sont plus capables de s'entraîner. Knock ben 55 ans. Ben c'est là que j'allais en venir. J'ai dit, ça doit être des gens qui ont en bas de 80 ans, Oui. là. Mon aîné a 74 ans, puis il est Bon. très en forme. Ça dépend des gens, c'est ça que je vous dis. Mais moi, ce que je vois, c'est que les conséquences du COVID sur ce groupe-là étaient mineures. Mais les conséquences de la vaccination sur ce même groupe-là est plus importante. Fait que ça répond déjà à la question. Ben, va me faire vacciner. De l'autre fois, il y en a une qui me dit ça, mais j'y raconte ça. J'ai dit, mais rien qu'à voir ce que je vois de vous, ça me tente pas. Non, mais Secondaire. c'est ça, c'est intéressant à regarder sur un petit groupe. C'est sûr que aussi, ce qui va arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est que s'il y a des gens qui ont des doses multiples, ça va être de voir justement si ça va avoir des effets secondaires importants aussi, là. En tout cas, pour les 6 cas, je peux vous dire qu'il y en a 2 cas, double vaccination, crise de cœur. OK. Sur les quatre autres qui restent, il y en a une, c'est de diarrhée sans arrêt pendant 2 mois. Son médecin ne savait plus quoi faire. Ça s'est arrêté, on ne sait pas trop comment. OK. Mais elle est auto-immune complètement. Ouais, t'imagines. Donc là, il est obligé de s'isoler pour le vrai. Parce que moi, ce que j'ai entendu dire, quelqu'un qui est auto-immune, le système immunitaire est à terre, la personne, il faut qu'elle reste confinée pour ne pas attraper des maladies rares, un peu comme quelqu'un qui a le sida, VIH, qui pourrait l'amener à la mort. Ouais, mais c'est eux qui vaccinent les auto-immunes, ils les vaccinent, mais en fait, ce qu'ils font, c'est affaiblir encore plus leur système immunitaire. Fait que celle que je te dis qui est auto-immune, qui fonctionnait très bien pendant des années, je l'ai pas revue, là, ça fait 4 mois. On se parle, mais je l'ai pas revue, elle est pas capable. Les 3 autres sont à moitié mortes. Bon. J'en ai une, là, qui parle, là, elle-même. Job. 58 ans. C'est pas une blague, là, je vous imite à peine de quoi ça a l'air. Penses-tu que j'ai envie d'aller vers ça quand je vois ça, mon chum qui dort dans le divan après le premier vaccin des heures de temps? Non, moi non plus, je veux pas aller vers ça. Ça, c'est clair. Puis, c'est sûr que moi, dans le fond, qu'il y ait ou non des effets secondaires, c'est sûr que là, on comprend, il y en a, mais moi, c'est le système, l'idée du passeport que, pour moi, ça me rentre pas dans la tête, dans le sens que c'est un système de contrôle social. Ah oui, c'est le système de contrôle chinois qui nous installe. C'est clair que c'est ça. Parce que Mais ouais. non, mais c'est ça pareil. Puis là, quand c'est parce qu'ils ne parlent pas de l'implication dans At Large, là, c'est que maintenant, tu n'as pas payé ta contravention, on bloque ton compte de banque. C'est parce que non. N'a pas de sens pour moi, ça. Mais C'est non, mais ça que c'est moi. ça, mais avec l'identité numérique puis le portefeuille numérique, ça pourrait en venir à ça. Un peu comme le crédit social en Chine, où que la personne a un des points, elle a perdu trop de points, mais elle ne peut plus voyager dans d'autres provinces chinoises ou sortir du pays. Ouais, ou t'es pas vacciné dans la bonne période, mais t'es en voyage. Ah oui, à la maison, on va te faire vacciner, t'es collé sur ton téléphone. Ben, Voyons la donc. personne reçoit une notification, fais-toi vacciner d'urgence, sinon on désactive ton passeport sanitaire. On désactive tout simplement ton compte bancaire puis tous tes accès. Exactement, parce que tout va être interrelié avec l'identité numérique. Je disais ça, peut-être je l'ai dit, je me répète peut-être, je ne sais pas, j'ai pas, c'est ça, je dis, j'ai pas une mémoire bizarre ces temps-ci, mais j'ai pas de problème avec la technologie. Mon problème, c'est qui veut contrôler ça qui est mon problème. Puis on est humainement parlant trop primitif pour laisser entre les mains ce genre de technologie concentrée et très activant et très rapide et c'est très efficace. Oui. On ne peut pas laisser ça naïvement entre les mains de gens qu'on voit là. Nous sommes une race primitive encore. L'animal est fort dans certains groupes de gens sur cette planète. L'animal humain, c'est pas dompté encore partout, cela, là. Non, non. Fait que moi, c'est ça que je fais pas confiance. C'est pas la technologie. C'est qui prend le contrôle de cette Comme technologie-là. Fait que si on... pour l'arme nucléaire. Donc, si les gens sont pas matures, c'est sûr, s'ils ont accès à l'arme nucléaire, ils vont pouvoir commettre des dégâts extrêmement graves. Ben, un peu comme Julie disait, mais on ne sait jamais si le bidon va pas peser sur le mauvais piton, tabarnak. Chris, il n'a pas toute sa tête, ce gars-là. Là, il se lève un matin, et là, pouf, là, je veux voir, moi, quelle idée qui lui passe dans la tête. Il souffre de démence. En passant, là, la démence, si vous voulez reconnaître ça, regardez comment quelqu'un marche. J'ai pas eu besoin des nouvelles de la TV pour savoir, Nicolas Alexis Cossette, savoir que ce gars-là était malade, moi. Et voir comment il marche. Si vous avez déjà côtoyé des gens qui souffrent de maladies mentales, quelles qu'elles soient, de démence, là, je veux dire, comme Oui. Alzheimer, regardez, allez, prenez le temps d'observer comment ils marchent, ces gens-là, puis regardez bidon, là, vous allez comprendre. Ils marchent. Puis regardez Trump marcher, là, il ne marche pas partout de même. La démarche de quelqu'un de dément est une démarche de quelqu'un qui a peur, tout le temps. Il ne met pas en avant, là, il y en a un petit gars. Un petit gars en culotte courte, à 80, à 70 ans. C'est sûr que ça n'inspire pas confiance. Non, non, la démarche, tu regarderas, mais tu feras l'observation. Regarde, va dans un endroit où moi, ma mère était souffrait de démence, fait que j'ai connu ça jeune, puis je sais c'est quoi la démence, puis j'ai vu des centres de démence, des gens. J'allais rencontrer ma mère parce qu'il n'y avait pas de monde dément. Fait que mon seul plaisir, c'était de regarder comment ça se comporte, ces gens déments. Puis ils ont toutes la même démarche. C'est une des observations que j'ai faites. J'ai dit, oh, c'est drôle, ils marchent tous un petit peu courbés. Les épaules rentrées, ils se tiennent un peu de même, les mains de même. Ils font des petits pas, là, insécures, hein, puis il y a un petit peu ça. Mais remarqueras, tu verras. Observez, vous allez voir. Monsieur Bidon, c'est de même qu'il se promène. Bon, en tout Mais de toute cas, façon. la prochaine fois que je vais le voir à TV, je vais porter une attention plus grande. Comment? Tu vas penser à moi, tu vas dire, qu'est-ce qu'il y a avec des mains? Non, regardez marcher, monsieur Bidon. Puis regardez marcher quelqu'un de bidon vraiment, là. Allez voir, c'est pareil. Je vous dis, je vous invite à l'observation. L'observation dans la vie, c'est intéressant. Tu le sais sûrement, David, mais Oui. c'est à l'observation de nos vies, comprendre ce qu'on vit, puis pourquoi on le vit. Exactement. Puis c'est en observant nos dirigeants qu'on apprend à comprendre qui ils sont réellement. Ah, je soupire. C'est pas drôle. On s'attendait pas à ça au Québec. Et moi, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu penser qu'il nous arriverait. Ah, ben moi, il y a 2 ans, tu m'aurais dit tout ce qu'on a vécu, on vit depuis 2 ans. J'aurais dit, ça se peut pas, c'est du délire, ouais. Vrai, hein? C'est comme quoi ça peut virer vite, vite, vite, vite. Il n'y a jamais rien d'acquis. C'est pas ça que tu n'avais pas fait un petit audio là-dessus, Oui, là? justement, je disais ça dans l'enregistrement, qu'il ne faut rien prendre pour acquis, je le maintiens, parce que nos libertés qui peuvent paraître comme étant fondamentales aujourd'hui, demain, ça peut être vu comme des privilèges, puis on peut nous menacer, etc. Ah oui, puis je te dirais même que alors, ça avait un lien avec ce que tu disais. Même quand c'est clair, c'est pas clair. Je ne sais pas comment dire ça, mais de l'autorité personnelle, c'est toujours quelque chose qui est pas à redéfinir, mais qui est, en tout cas pour l'instant, testé tout le temps. Oui. Je sais pas si tu comprends, mais ce que je veux dire, c'est que quand on dit qu'il n'y a rien d'acquis pour moi, ce que ça veut dire, c'est que oui, il y a des chartes des droits et libertés qui existent, mais il ne faut pas que je compte sur la charte des droits et libertés pour ne pas défendre mes droits. C'est ça, il ne faut pas se reposer sur une forme extérieure. Ouais. C'est ça. Puis même pour moi, que c'est acquis, que je, mettons, j'exige le respect dans ma vie pour telle chose, il y a toujours quelqu'un qui me fout le bordel là-dedans. Que je suis obligée de dire, ben là, je l'avais déjà dit, là, que ça, c'est ma limite, là, tu sais. On parle rien que du respect, je ne parle même pas de magouille, là. Mais c'est testé. Puis là, t'as beau dire, ben là, Chris, je l'ai défini ce que je veux dans la vie, là, c'est clair, ben oui, mais c'est testé pareil. Non, Fait que c'est exactement. toujours Ça me fait pas penser redéfini. à la guerre occulte dans laquelle on est impliqué, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, dans le sens que l'astral, on peut vivre la colère mentale, puis monter en vibration, puis les envoyer chier, puis avoir la paix pendant quelques heures, mais après ça, l'astral peut chercher à rentrer dans notre vie par des gens interposés, etc. Tout à fait. Donc, notre autorité est toujours un peu contestée, puis à redéfinir, puis à travailler. Exactement, exactement. Fait que ça prend beaucoup de centricité puis de volonté de persévérer dans son identité réelle parce que l'astral va chercher constamment à nous récupérer par Exact. différents moyens. Oui. Puis tous les moyens sont bons. Ben, pour eux autres, tous les coups sont permis parce qu'ils n'ont pas d'éthique. Donc, ils vont chercher par tous les moyens là, de nous posséder puis de nous ramener dans le système. Tu sais, quand je regarde en lien avec la crise actuelle puis l'histoire de la vaccination, si quelqu'un, il réussisse pas à l'amener à se faire injecter parce qu'on l'empêche d'aller au cinéma, on va dire on va t'empêcher de voyager. Puis si ça marche pas, ben là on va t'empêcher de travailler. Puis si ça marche pas, on va dire ah ben tu vas perdre la primauté parentale, tu vas perdre tes enfants. Puis là c'est de voir jusqu'à quel point la personne vendra pas son âme au diable à se soumettre à quelque chose qui est pas en résonance vibratoire avec elle. Est-ce que la personne est prête à perdre son travail, ses enfants, ses activités de loisirs comme aller au restaurant, la possibilité de voyager, tu sais? Ça me rappelle une anecdote que tu dis, jusqu'où ça peut aller. Oui, regardons-le d'un point de vue, une personne que, un jour, j'ai une amie qui était avec, en divorce avec une petite fille, un couple qui se sépare, qui ont un enfant en commun. Et là, le monsieur, il ne veut pas prendre aucune responsabilité, là, parce qu'il est en guerre avec son ex. Fait que lui, sa fille, s'en calisse, il ne veut pas payer sa pension, il ne veut pas payer ci, il ne veut pas faire ci, il ne veut pas prendre en charge. Il n'y a pas moyen de s'entendre. Il est obligé de passer par la cour. Arrivant en cour, le juge lui dit, mais madame, je ne peux pas forcer votre ex-mari à faire quelque chose pour son enfant. Écoutez ça. Écoutez la réponse de la madame qui n'est pas conne. Elle dit, ah ouais? Bon, ben c'est parfait. Elle dit, moi non plus, je ne prends pas mes responsabilités. Il se passe quoi? Le juge est là, ben là, madame, je suis là, j'ai ri là, pour mourir. Je la trouvais tellement brillante, mon amie. Ben, il dit, madame, ben non, vous ne pouvez pas faire ça. Ben, elle dit, si lui, il a le droit de faire n'importe quoi, son enfant, comme déresponsabilisation, moi aussi, je vais me permettre, vous allez être pogné avec, hein? Fait que là, le juge, il a comme allumé, il a fait, ouais, vu de même. Fait qu'il a condamné le bonhomme à faire payer, à payer sa pension directement sur sa paye pour pas qu'il. En tout cas. Mais elle a comme argumenté ça carrément. Elle m'a dit, bien là, si vous pensez de même, la loi, il dit, la loi ne peut pas m'obliger ou quelqu'un à prendre ses responsabilités envers son enfant. Ben, elle dit, moi non plus, il n'y a pas de loi qui m'oblige d'abord. Ben c'est ça, faut que ça soit équitable, faut que ça soit les deux. Fait que là, le juge a été pris avec la garde de l'enfant, là. Ben, le juge a été obligé de donner raison à madame. Elle dit, s'il ne veut pas au moins rien faire, il peut au moins payer. C'est ça. Parce que c'est pas millionnaire. Il a été condamné à payer, puis plus tard, il s'est occupé de son enfant un peu plus tard. Ça a pris quelques années avant qu'il dérougisse, là. Mais ben ça, là, c'est un exemple de la limite aussi d'un système où t'es bien beau la loi, mais ça va où, là, si... Il se passe quoi si tout le monde arrête de travailler? OK, vous voulez nous faire chier, on travaille plus. C'est Bien, fini, là. ils ont marché dans leur rapport de force, les employés de la santé, au 15 octobre. Tu sais, il était à peu près, je pense, 20 000, en tout cas, qui s'étaient pas fait double injectif pour le 15 octobre. Fait que le gouvernement est obligé, pour une des rares fois depuis le début de la crise puis l'imposition des mesures, de reculer. Puis il était juste 20 000. Oui. Imagine si on décide, tous les travailleurs du Québec décident qu'ils ne retournent plus au travail tant qu'il y a des mesures sanitaires existantes. Penses-tu qu'on n'a pas tous 2, 3 mois d'économie dans notre petite culotte, là? Ou à peu près? Et ça va manger de la marde, hein? Il ne va plus travailler. Tu vois qu'ils vont. Ça se règle dans le temps d'une semaine et demie, 2 semaines, c'est réglé. C'est ça, mais il faut avoir la volonté de tenir bon, puis avoir la fermeté du rapport de force, puis être prêt à perdre. Comme les gens du domaine de la santé, il y en a qui étaient prêts à perdre leur travail. Fait que là, le gouvernement va en prolongation, un peu comme un match d'hockey, en disant: ah ben là, finalement, on vous donne un délai de grâce, là, ça va être jusqu'au 15 novembre. J'ai hâte de voir ça le 15 novembre, Ben moi. moi aussi. Je suis sûr qu'il n'y a rien qui recule. Ils vont reculer encore. Il n'y en aura pas plus de vaccinés. Ça, c'est un noyau dur, là, qu'ils ont pogné. Fait que là, ils vont peut-être frapper leur Waterloo, c'est-à-dire à un point marquant où ce que là, ils vont arrêter leur avancée pour leur imposition de mesures, là. En tout cas, ils vont avoir de la misère à traiter 20 000 personnes, infirmiers, médecins, inhalothérapeutes et spécialistes de la santé de Covidio pas éduqués, là. C'est un peu plus dur, ça. Il y a quand même 600 médecins là-dedans. Ben oui, exactement, là. C'est une gang de débiles. Excusez-moi, je trouve ça trop débile. Oui. Ça, c'est dément. C'est débilitant C'est tellement ça ça. va. Puis pour les médecins, ce qui est le plus débile là-dedans, c'est que les médecins qui auraient voulu faire du télétravail sans rencontrer des gens en personne, ils perdent leur titre de l'ordre professionnel des médecins. Il faut vraiment qu'ils soient double injectés, sinon ils vont perdre leur titre, même si c'est à distance, en faisant la téléconsultation, là, avec des patients qu'ils ne rencontrent pas en personne. Fait que Oui, là, j'ai vu ça, c'est fou. ouais. Fait que là, ils ont dit c'est des raisons de devoir déontologique. Parce que là, si le médecin ne croit pas à la science du vaccin, il part du principe qu'il ne devrait pas être médecin, il n'y a pas une compréhension scientifique minimale. Ouais, pas sûr que ça tient en cours, ça. Parce qu'il faut. Allô, on revient à est-ce que c'est un vaccin approuvé? Non. Ce n'est pas un vaccin, c'est une thérapie. Une injection autre, expérimentale, sur laquelle nous devons attendre au moins 8 à 10 ans pour connaître les conséquences. C'est ça, le temps d'un vaccin, c'est 10 ans. Alors, bonne chance. Exactement. D'ici ce temps-là, il va falloir qu'on complète l'enregistrement parce que ça fait près de 2 h 30 qu'on parle. Moi qui voulais 1 heure. Oui, exactement. Ça a duré plus longtemps que je pensais. Donc, en terminant l'enregistrement, je veux rappeler aux gens qui nous écoutent, qui aimeraient suivre des cours de yoga avec toi, là, et de pilates thérapeutique et moderne, adapté à ta sensibilité, que c'est possible de le faire en entrant en contact avec toi par courriel. D'ailleurs, l'adresse courriel figure en bas de l'enregistrement. Et c'est possible de faire des cours en personne. Et vous l'aurez compris, là, sans avoir de passeport sanitaire, et aussi à distance. Donc, pour les gens qui nous écoutent en Europe, en Suisse, un peu partout dans la francophonie, eh bien, c'est possible, dans le confort de votre foyer, devant l'écran d'ordinateur aussi, de faire des cours, là. Je pense que c'est avec Zoom que tu travailles. Oui, je fournis le lien Zoom, c'est gratuit pour les gens, mais je veux préciser que les gens qui veulent lier sur Zoom, faire des cours de yoga et pilates avec moi sur Zoom, la condition que je puisse faire ça avec vous, c'est que vous n'avez aucun problème de santé important. Je ne parle pas d'un diabète contrôlé, là. Mais si vous avez des problèmes de sciatalgie, de lombalgie, de douleurs chroniques à la colonne, depuis des années les hanches, des genoux, je ne peux pas vous prendre en zoom de groupe. Je peux zoomer en privé à ce moment-là. Il faut que je voie le corps, comment il travaille pour pouvoir corriger vos façons de faire, parce que quand le corps souffre, il y a une raison. Puis souvent, je peux défaire ça au moins pour l'aspect physique, puis aligner de façon à ce que l'énergie circule mieux dans les corps pour libérer. Mais je ne sais pas si je suis claire. Sur Zoom, ça prend du monde en santé dans les cours de groupe. Mais je le fais en privé sur Zoom. Si vous êtes loin, vous ne pouvez pas vous présenter sur place. Sur Zoom, en privé, c'est très facile pour moi, là. Je peux faire une analyse posturale rapide, ça ne coûte pas cher, puis c'est rapide. Puis là, je vois avec ce qu'on me dit. Mais je ne peux pas travailler. Si vous avez des blessures, des choses comme ça en groupe, j'en ai une qui s'est essayée, qui avait une sciatalgie, puis elle s'est blessée. Puis j'y avais dit de ne pas faire ça. Je me sens pas coupable, mais je vous dis, faites pas ça. Fait que si vous avez des problèmes de santé, parlez-moi-en. Et à la lumière de ça, on va pouvoir corriger des choses puis régler ça. C'est pas. Puis j'enseigne le moderne. Comme je dis, c'est un enseignement moderne et inspiré de mon contact. Donc le yoga, c'est d'ailleurs un yoga très moderne. C'est ce que je dis, qui n'a rien à voir avec l'enseignement spirituel. Je ne touche pas à ça. Ça m'intéresse pas. Vous m'avez vu aller, là. J'ai-tu l'air de quelqu'un qui croit en je sais pas quoi, là? À part croire en moi puis mon contact, je ne crois pas grand-chose. Donc, c'est une autre approche, c'est ça, je dis, du corps, qui est d'alignement des quatre corps, physique, vital, émotionnel et mental, à travers les mouvements. Ça se fait à travers le mouvement puis une compréhension de la mécanique. C'est tout. Et c'est très agréable en passant. En tout cas, j'ai des bons commentaires. Mais tant mieux. Sinon, je voulais mentionner aux gens aussi que tu faisais de la consultation, donc en coaching d'individuation. Mais j'aimerais ça faire un audio quand je vais être prête aux vidéos avec vous autres pour vous expliquer éventuellement ma nouvelle approche. Parce que je vais avoir beaucoup de volets, là. Je suis en train d'intégrer 40 ans de travail au niveau physique, mais j'ai aussi le volet où j'ai une grande connaissance du tarot de Ménard. Puis là, il faut que je vérifie les droits d'auteur, puis je veux le transmettre. C'est un outil que j'ai transmis à deux de mes amis dernièrement qui sert le tarot de Ménard, je l'appelle comme ça, parce que c'est lui qui l'a développé. D'une façon beaucoup plus mentale que le tarot de Marseille qui nous a proposé, qui est très complexe, puis qui a toujours une coloration astrale, je trouve, ou spirituelle. Tandis que le tarot de Ménard, c'est pour débloquer le contact. C'est pas que le contact n'est pas là, mais activer le canal pour pouvoir travailler la parole dans le vide. Ce tarot-là est extraordinaire pour développer votre parole si jamais vous avez de la misère. Mais c'est-tu à base des cartes, des lames majeures là, du tarot de Marseille? Oui, il y a 20, les 22 cartes majeures, puis il y a un mot-clé par carte. OK. Puis il a mis des définitions sur d'autres choses. Tu sais, chaque carte peut être plus détaillée, mais tu pourrais repartir juste avec les mots, puis travailler, c'est ça. Un mot, qu'est-ce que ça te dit quand, mettons, que tu poses une question à quelqu'un? Mettons que tu me dis, Mona, je veux savoir qu'est-ce que je dois corriger dans telle attitude. C'est un tarot psychologique, ah oui, c'est ça que je veux dire aussi. C'est un tarot qui identifie un pattern psychologique, puis comment sortir de ça. Mais ça, c'est le tarot de Daniel Ménard, mais je dois vérifier les droits d'auteur avec son fils pour voir si je peux le faire, si son fils veut des droits d'auteur là-dessus ou pas, s'il y en a ou pas, je vais vérifier. Mais moi, je l'ai payé ce cours-là, je l'ai pratiqué, je l'ai travaillé, puis j'ai bien aimé ça. Fait que je veux le mettre en ligne aussi. OK. Il y a des choses comme ça, je veux mettre As-tu du des matériel. projets intéressants, justement, là, de développement là, dans les prochaines semaines, prochains C'est mois? un très bon outil, le tarot de Daniel Ménard. C'est vraiment. J'ai deux amis qui ont touché à ça là, dernièrement. Ils ont dit, ah, je veux travailler avec ça, c'est capotant, c'est capotant. Fun, c'est stimulant si vous vous ennuyez. C'est une bonne approche. Mais il faut être prêt à parler. Vous ne prenez pas le tarot de Daniel Ménard, vous n'êtes pas prêt à parler. C'est parce qu'un tarot, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont vous questionner, il faut avoir envie de répondre. Ben oui, mais c'est sûr qu'il faut comprendre le principe de la parole vibratoire qui est derrière ça, là, naturellement. Donc. Puis c'est vraiment, au début, on se sent dans le vide, puis on se dit, oh boy, qu'est-ce que je veux dire? Mais c'est le fun, c'est qu'on découvre qu'en disant n'importe quoi, on dit ce qui est intéressant. On est dans le vide, je vous le dis, c'est intéressant. Je vous invite à regarder ça avec moi éventuellement. Excellent. Donc, on a fait les annonces de ton côté. Y avait-tu d'autres choses à rajouter? Non, je vous embrasse tout le monde. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de centricité, tout le monde. Les prochains mois sont intenses, mais on va s'en sortir. C'est ça le message que j'ai à dire. On va s'en sortir. C'est clair. Oui, exactement. Moi aussi, je suis très confiant là, par rapport à l'avenir. C'est juste une question de temps là, avant que le narratif officiel tombe, à mon avis. Et puis, sinon, de mon. Pour travailler nos personnes. Oui. Rentrez en dedans de vous, connectez-vous. On n'a rien d'autre à faire. Mais quand même qu'on ferait des rassemblements, des ci, des ça. Moi, je veux des rassemblements. C'est un karma personnel que je règle. Je sais ce que je fais. Mais oui, un temps de prendre soin de soi, de prendre conscience de ce qu'on est. Et quand ça va être le temps de bouger, vous allez le sentir. Ça va bouger un moment donné, ça va se lever, il y a des choses qui s'en viennent. Ce sera pas toujours la mare, tout ce qui descend remonte, les amis. Oui, exactement. C'est bien de nous mettre au parfum de cette situation. Merci David, merci à tout le monde. Passez une belle nuit. C'est ça. Puis en terminant, ben, je rappelle aux gens qui ont aimé cet enregistrement que j'en ai fait d'autres aussi avec mon nom que vous pouvez retrouver là, sur ma chaîne, que ce soit YouTube ou d'ici. Au fil des ans, j'en ai fait plusieurs entrevues. On a abordé plein de sujets ensemble, en plus de la crise sanitaire, là, naturellement. Et pour les gens qui apprécient en particulier écouter mes enregistrements, eh bien, vous êtes toujours les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal, que vous allez avoir les coordonnées là, en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui. Fait que mes annonces sont faites. Oui? Ouais, j'avais juste quelque chose à dire là-dessus. Ah merde, mais encore une fois, j'ai un trou de fromage hier est passé. Excusez-la, la madame a vraiment de la misère. Il n'y a pas J'avais de quelque problème. chose. Je ne me rappelle plus. Fait que c'est pas important. Je vous souhaite une belle nuit. Oui, à toi aussi, mon nom, et à toutes les gens qui ont écouté l'enregistrement d'aujourd'hui. Excuse-moi de te couper avec sa part. Ce que je veux dire aux gens, je me suis fait reprocher par quelques personnes, gentiment soit-il, très respectueusement, de ne pas m'intéresser à répondre. Je ne réponds pas aux gens. Ce n'est pas méchant, les amis. C'est que ce que je fais avec David, si ça vous convient, je suis contente. Si vous avez le goût de me contacter, vous le faites individuellement, ça me fait plaisir. Mais je ne réponds pas. Aux commentaires que je me réécoute pas non plus en passant, je veux pas, surtout pas me réécouter, je vais avoir tellement de problèmes à régler après, ça me donne pas. Je blague, mais je veux pas revenir sur ce que j'ai dit. Moi, ce que je le dis, puis j'ai pas de libre arbitre, c'est pas moi qui pense, c'est pas plus vous autres. C'est terminé, ce qu'il dit, il dit, on passe à autre chose. Mais prenez-le pas personnel, c'est ça que je veux dire, ça n'a rien à voir, je suis très gentille, mais je rentre pas dans trop trop large. Ben, Puis c'est parce que t'es pas soumise à la forme de la mémoire qui peut être mise dans le corps d'un enregistrement. non, puis pour être honnête avec, ben, je suis toujours honnête, mais ce que je trouve très difficile dans les communications écrites, j'ai essayé avec Bertol un peu, ça passe pas moi par l'écrit. Chris, trop lent, je sais pas comment vous dire ça, mais là, il y a quelqu'un qui m'a posé une question super intéressante, j'ai répondu trop long à répondre par écrit. J'étais pas capable. Ben à ce moment-là, tu préfères un enregistrement audio avec Berthold. Ça pourrait être un enregistrement intéressant à écouter. Mon nom en entrevue avec Berthold, ça ferait changement. Bertol, je veux travailler mon intervieweur avec toi puis avec Bertol. Je veux travailler l'inverse Ben aussi. oui, ben pourquoi pas? Oui, mais la Tu nous prochaine, arriveras les avec... amis, la prochaine, j'interview David puis je vais préparer les Ben questions. oui, mais... T'étais la bienvenue, comme je disais en préparation de l'enregistrement d'aujourd'hui. Éventuellement, si Mona veut m'interviewer, ça va être un plaisir pour moi de me prêter au jeu. Et Bon, ben, c'est dans ça. fais signe, le grand, tu vas voir. M'ont Ben. préparé, par exemple, des questions parce que je ne suis pas habituée de le faire sur la volée comme toi. Je ne suis pas habituée, Mais mais. pour être honnête, je m'étais pris des notes, là. Tu sais, j'ai des mots-clés, passeport vaccinal, identité numérique. Fait que, tu sais, devant moi, ce que les gens du public voient pas, c'est que j'ai des mots-clés, là, avec des sujets, comme proposition, là, pour l'enregistrement. Ah, OK. Non, non, c'est ça. J'ai quand même, parce que les gens, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que ça fait quelques jours que l'entretien avec Mona est prévu. Fait que moi, pendant la journée, c'est bien une idée en tête où je suis en contact avec un article, je dis, ah! Ça pompe up dans mon mental. Ah, telle affaire, aborde donc ça avec Mona. Fait que là, ça me fait des listes de sujets ou Bertol, un peu le même principe. Puis ça se construit tout seul. Je fais pas vraiment d'effort, juste une intention de conscience qui est là. Puis je vais voir des vidéos sur Internet, j'ai des articles. Ah, tel élément. Puis ça se place comme ça. Ben, en tout cas, moi, je trouve ça intéressant, ce processus question-réponse, d'essayer de travailler le contact. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'accorde pas tant d'importance à ce que je dis non plus. Tu sais, c'est pas. Ben, l'important, c'est d'être libre de la forme. Moi, c'est la même chose aussi, tu sais. Puis, je suis pas cristallisé dans ce que j'ai dit, dans le sens que je peux dire quelque chose, puis je peux me réajuster, puis les choses peuvent changer aussi. Puis je peux me tromper, puis je m'en fous en passant. Quand je dis Trump va revenir au pouvoir, c'est dans un an et demi, je me suis trompée, je dis ben, je suis dans le champ. J'en ai rien à chier. Ça me dérange pas d'admettre que je suis dans le champ quand je suis dans le champ. Ça me dérange vraiment pas. Parce que ça m'appartient. S'il y a quelque chose qui est rentré dans ma vie les derniers 3 ans, c'est que je n'existe pas. Fait que pour moi, si j'ai fait une erreur, c'est pas moi qui ai fait l'erreur, c'est les choses en haut. Moi, je suis un canard. Mais le canard, s'il est tout croche, vraiment, j'ai vois avec. J'essaie juste d'être un canal. Je n'essaie pas d'être autre chose qu'un canal nettoyé. C'est la fonction que j'ai à faire dans ce travail que j'ai à faire sur la planète dans cette vie-ci. Oui, c'est d'épurer le canal. C'est tout. Mais en même temps, ben, c'est sûr qu'en effet, moi, comment dire, on peut y mettre des formes, en fait, des mots qui sont des formes, mais on n'a pas à vivre en fonction de ces formes-là, puis qu'est-ce qu'on a dit dans le passé, tu sais, parce qu'en soi, on serait piégé dans des formes qui nous gardent attachés à un passé. Oui, mais il faut jamais oublier qu'une forme, ça sert à quelque chose. Dans le sens, on dirait que les gens ont un petit peu peur à rentrer dans les formes des fois. Moi, j'ai pas de misère à rentrer dans la forme. D'être dépendant d'une forme, ça ne me crée pas un problème. Ce qui va me causer un problème, c'est si la forme sortait puis je souffre, là, j'irais quelque chose à régler. Comprenez-vous l'idée? J'ai un véhicule automobile. Moi, là, un véhicule, c'est important pour moi. J'ai besoin de mobilité dans la vie. C'est fondamental. Mais la vie décide, j'ai plus moyen de m'en payer un pour un certain temps. C'est là que je vais voir. C'est pas d'être dépendant de la forme qui est le problème. C'est comment, quand la forme sortir, c'est quoi que ça se passe? Êtes-vous capable de couper avec ça instantanément? Ou vous souffrez d'un manque de char pendant 3 mois? C'est ça. Est-ce que vous êtes capable de le contenir? C'est comme la personne qui ne peut pas aller au restaurant parce qu'elle n'a pas le passeport vaccinal. Es-tu prête à assumer le fait qu'elle n'a plus accès à cette activité-là de loisir alors qu'elle y allait toutes les semaines? C'est ça nous donne une idée de notre dépendance à une forme. Ils peuvent couper tout ce qu'ils veulent. La seule chose que je ne peux pas couper, c'est me priver de manger, mais je suis quand même capable de manger un repas par 2 jours. Il faut le faire. Je peux survivre un repas par 2 jours, moi, avec de l'eau. C'est quand même bien, là. Ben, c'est ça que je veux dire par être capable. Mais je mange un repas, je mange mes repas par jour, mais si je suis mal pris, je sais que je suis capable de fonctionner. Je l'ai testé. Il faut tester nos résistances, nos capacités Ben oui, aussi. ben moi-même, j'ai fait un jeûne là, pendant 3 jours, puis je suis capable de dire objectivement, ouais, je suis capable de fonctionner pareil. T'es pas mort, Mais là, puis non. t'es pas agressif, puis t'étais pas perdu dans la brume. Ben non, c'est ça que je veux dire. Faut tester un peu nos capacités. Faut pas avoir peur de se mettre sur le test. J'ai arrêté de fumer la cigarette il y a 6 semaines. J'ai pas encore mangé personne. Ben, tant mieux J'ai si ça t'a pas rendu plus irritable, comme on dit. Non, ça m'a donné tellement d'énergie que des fois j'ai la misère à contenir un peu, là. Ça m'a fait débouler les escaliers. Moi, si je m'absente de mon corps une fraction de seconde, je vous le dis que ça me coûte cher. Regardez mon pouce, là. Ouais. Ben, j'orteille de même. Présentement, j'ai un orteil bleu comme mon doigt. Ça, c'est des moments d'absence de mon corps. Bang, je me pète quelque chose. Bang, je me pète l'orteil. Ah, oh, je suis enthousiaste, déboule les escaliers. Ben, c'est Péri. ça fait des chocs sur le plan matériel qui freinent le débordement de l'énergie qui pourrait être lié à un manque de contenance sans le support de la cigarette. Puis là, c'est instantané. Il n'y a OK. pas un décalage de 2 jours et 24 minutes, là. C'est la minute qui suit quasiment, mon absence d'esprit. Fait que là, je me check en gris. Je suis obligée d'être dans mon corps tout le temps, tout le temps. Ben, ça t'amène à justement être très groundé en rester dans la matière. Oui, puis ça me rend de bonne humeur, mais c'est juste pas habitué. Non, je comprends, mais avoir un surplus d'énergie, moi, je s'appelle ça un beau problème dans le sens que tu as plus de vitalité. Trop, c'est comme pas assez pour moi, mais en tout cas. Bon, bonne nuit, là. Ça a Oui. l'air qu'il faut ça. Oui, il faut que ça complète l'enregistrement. Fait que, écoutez, pour les gens qui sont encore avec nous, eh bien, je vous salue. Et toi aussi, Mona. Fait que, écoute, merci encore une fois là, pour cet entretien. Puis, on garde contact. Puis, à bientôt. Avec plaisir, bye. Bye.